parvenir. Voilà. Alors, ça n'allait pas du tout et je comprends très bien. Donc, refuser de parvenir, c'est aussi inverser un peu les tendances. Donc, sinon, on ne va rien dire aujourd'hui. C'est vous qui allez parler. C'est pas mal, ça. Alors, bon, on a le plaisir de recevoir deux compagnons du CIRA Lausanne, Jonathan et Gabriel, qui font partie d'un collectif qui a réalisé ce livre « Refuser de parvenir ». Je vais leur laisser expliquer la genèse de ce livre. Je vais dire deux mots du CIRA Lausanne. Donc ça a été, après, si vous avez des conneries, vous me corrigerez. Le CIRA Lausanne a été créé en 57. D'abord à Lausanne, il a immigré à Genève et il est revenu à Lausanne après. Donc il a un très beau local qui se trouve près de l'hôpital que vous engagez à visiter. L'hôpital ? Pas l'hôpital. En face, il y a un hôpital. Ouais. Pas loin de l'hôpital. Pour trouver, c'est facile, vous prenez l'autoroute. Vous... Il y a marqué hôpitaux, et puis c'est pas très loin. Il y a des malades. Ouais. Une grande cheminée, c'est pas très agréable l'hôpital, mais le lieu du CIRA Lausanne est un lieu assez sympathique. Et donc, ils sont une petite dizaine animés de lieu depuis des années. Et le CIRA Marseille est en gros le petit frère ou la petite sœur, comme on veut, de ce CIRA-là, puisqu'il a été créé en 65, mais à l'origine, c'est notre ami René Bianco qui était en contact avec Marianne Henkel et qui ont décidé de créer une annexe. Au début, on était l'annexe de notre grand frère suisse, et on rassemblait de la documentation, enfin moi j'étais pas là à l'époque, nos prédécesseurs... Nos ancêtres ramassaient tout ce qu'ils pouvaient ramasser, l'envoyaient à Lausanne et on ne gardait que les doublons au début. Petit à petit, le CIRA Marseille est devenu plus indépendant et pour arriver aujourd'hui à ce local qu'on occupe depuis 2011. Donc, l'idée de refuser de parvenir, moi, ça, c'est une idée qui me plaît depuis longtemps. Moi, je connaissais surtout Henri Poulaille, mais comme vont dire nos amis, ce n'est pas qu'Henri Poulaille, c'est pas Henri Poulaille qui a créé cette notion, ça existait avant. Et ils vont nous expliquer comment ils s'en sont arrivés à ce livre. Donc le livre, il nous en a amené quelques exemplaires. Si ça vous a plu, vous pourrez l'acheter. Si ça ne vous a pas plu, vous le lirez à la bibliothèque, parce qu'on en a un exemplaire à la bibliothèque. Et j'en profite pour signaler la parution de CQFD, donc nos voisins qui sont un peu plus hauts, qui ont sorti un dossier sur ce sujet. Et donc on pourra en parler aussi parce que bon, j'ai déjà eu des échos, il y a peut-être des gens qui ne sont pas forcément adeptes du refus de parvenir qui ont été présentés dans ce numéro. À vous la parole. Merci. Bonjour. Merci pour l'invitation. Voilà, je n'ai pas besoin d'expliquer ce qu'était le CIRA Lausanne. Voilà, on est venu à deux, mais il y a un peu plus de gens qui sont présentés là-bas. Cette thématique-là, en fait, cette notion-là, on a commencé à amorcer une réflexion à un moment particulier. Donc, il va parler des 50, enfin, de Marianne Henkel, qui est une collaboratrice au CIRA Lausanne depuis 50 ans. Donc, à ce moment-là, vu que dans le mouvement, c'est pas trop les pratiques de faire des anniversaires ou bien de fêter quoi que ce soit, on s'est dit plutôt lancer quelque chose, et puis on s'est dit c'était intéressant à ce moment-là de réfléchir à l'engagement sur la durée. À 50 ans, ça nous semblait pas mal, donc elle était un peu gênée un peu de se retrouver là au milieu de tout ça, mais 50 ans d'engagement, donc bénévole, on s'est dit que c'était une notion chouette, et du coup ça, il y avait plein de parallèles à le tirer avec le refus de parvenir, et du coup bon, c'était à un moment donné là. Je ne sais pas si vous avez eu vent d'une brochure qui est sortie chez Indigène, toute petite, qui s'appelle Refus de parvenir, qui est écrite par Marianne Henkel elle-même. Ça, c'était au même moment. Et puis, du coup, Donc le truc qu'on a oublié de dire, c'est qu'on voulait avancer en préambule, qu'on n'était absolument pas des spécialistes en fait, on n'est pas des professeurs qui ont travaillé là-dessus hyper longtemps, qui ont potassé, qui ont réalisé des thèses ou quoi que ce soit. Non. Et c'est pas vraiment à ce titre-là qu'on vient parler, c'est plus un sujet qui nous intéresse, qui nous questionne aussi, et puis qu'on ouais. Se sent pas du tout dans une position de. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément envie de se poser à la table avec le petit verre d'eau du conférencier. On n'est pas forcément, enfin ça correspond pas exactement à ce qu'on est non plus. concrètement vous apporter cette expertise-là que... Et l'idée, c'était de présenter de manière assez succincte, assez brève, le livre en lui-même, et ce qui l'anime, et ensuite d'ouvrir en fait le débat, la discussion, et de voir justement quelles pratiques pourraient être assimilées à ce refus de parvenir localement en fait. Donc c'est un peu pour ça que maintenant il est sorti. Et puis l'idée, c'est d'aller dans les différents endroits pour en parler, mais aussi pour écouter les gens et parler ensemble avec les différentes personnes. Donc voilà. Donc ce livre-là, il suit le refus de parvenir, la petite brochure qui a été écrite par Marianne Henkel. Je vous dirai suite sur pourquoi elle existe. Donc, à un moment donné, ça c'était vers 2013, on a commencé à lancer un cycle de réflexion, de présentation, de débat, à différents moments qui étaient soit organisés au CIRA, donc c'est des locaux qui sont, voilà, qui sont remplis de bouquins aussi, c'est des espaces assez petits, mais on a eu pas mal de gens qui sont venus, ça a suscité pas mal d'intérêt. Et ensuite, on est allé hors mur, dans différents espaces qui existent à Lausanne, toujours avec cette notion du refus de parvenir, mais qui était déjà assez, qui se déplaçait, qui allait dans toutes les directions. Donc à un moment donné, après plusieurs débats, plusieurs discussions, on s'est dit que comme ça suscitait beaucoup d'intérêt, ce serait bien de garder une trace. Donc on a fait un deuxième appel à contribution pour avoir des traces écrites, soit des textes, donc ça pouvait être différentes formes, soit des articles de fond, soit des interviews, soit même des dessins. On a même ouvert à des compositions musicales. Voilà. Donc, à un moment donné, on s'est retrouvé avec pas mal d'éléments. Et là, on a été approché. Enfin, en même temps, on a approché des éditions Nada, donc des gens qu'on connaissait. Et il y a eu l'idée de sortir un livre. Donc, au début, on n'avait pas vraiment pas l'intention d'avoir quelque chose comme ça, avec un code barre. Avec un truc qui était fixé, et puis au final, c'est devenu ça. Voilà. Donc, au sein même du livre, je vais pas tout vous expliquer, mais il y a deux volets, si on veut. Donc il y a un volet sur les histoires et les idées, donc c'est plutôt quelque chose de, où on a réédité aussi des textes, qui étaient assez anciens, et un autre volet sur les pratiques actuelles. Donc voilà. Donc là, à ce moment-là, c'était vraiment assez ouvert. On n'a pas mis de contraintes ou, bien sûr, on a proposé certaines choses, on a fait des relectures, on a parfois discuté avec certains collectifs sur certains aspects. Mais finalement, l'idée, c'est que ce soit le plus large possible et surtout que ça puisse toucher un public qui n'était pas seulement un public d'initiés, pas seulement des anarchistes, parce qu'on a vu que la notion en elle-même, elle arrivait à toucher les groupes qui n'étaient pas explicitement libertaires. Voilà. Tu vas aller trop loin? Tu as dit précisément ce que j'allais dire. Hein. Ouais. Mais peut-être du coup, peut-être juste pour compléter, c'est ce soit du sujet du refus de parvenir, c'est aussi clairement dans cette idée de... Ça correspond aussi assez bien à ce que c'est que le CIRA, parce qu'il y a vraiment la volonté de collecter et de documenter un peu tout ce qui se fait dans le mouvement anarchiste au sens assez large, sans qu'il y ait une volonté de définir une tendance précise. Et que ce sujet, il pouvait parler aussi bien à des gens qui étaient plus individualistes qu'à des gens qui étaient plus organisés ou à différentes tendances, qui permettaient de faire le lien, comme tu l'as dit, entre des aspects plus historiques. C'est une thématique historique qu'on a dû un peu creuser aussi et défricher, parce qu'elle n'est pas forcément bien étudiée, simplement, au niveau des sources factuellement, quoi. Mais qu'on peut aussi bien faire le lien avec des pratiques actuelles, avec des pratiques collectives. Bon, il y a quelques exemples dans le bouquin, que ce soit des collectifs de photos, des musiciens, dans des domaines d'activité très différents et qui s'éloignent peut-être un peu du coup de la définition stricte du début sur laquelle on va peut-être revenir, et que c'est aussi un moyen d'articuler des choix individuels, quoi, des choix individuels qu'on est tous amenés à faire à des moments avec des pratiques plus collectives, quoi. Le refus de parvenir, c'était pas uniquement une mise en retrait individuelle, un refus tel l'ermite qui va s'isoler dans un couvent, j'en sais rien. Il y avait un truc qui allait au-delà de ça, que ce refus, c'était le refus préalable à un engagement collectif. Et que c'était ça qu'on avait envie de mettre peut-être le plus en avant. Pour arriver sur peut-être dans le vif du sujet, donc la première formulation du terme, le refus de parvenir, en fait, c'est Albert Thierry qui l'a énoncé, qui est donc un enseignant du début du siècle, du 20e siècle, qui était proche des syndicalistes révolutionnaires, et qui a lui-même, qui était un gosse d'ouvrier, spécialement doué pour les études, qui a très bien réussi, qui a les premiers de sa volée, qui aurait pu faire des études supérieures avec des bourses qu'il aurait pu obtenir facilement, vu qu'il avait une énorme facilité, et qui a choisi délibérément de refuser de faire cette cursus honorum, je sais pas comment on peut dire, cette carrière, qui a refusé ces rails-là et qui a décidé de partir enseigner dans un petit bled à des élèves, l'école primaire, ce qu'on appelait l'école primaire à l'époque, qui était donc l'école des ouvriers, quoi, pour le dire très vite. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'il faut situer cette réflexion autour de refus de parvenir. Et c'est quelqu'un qui l'a vraiment peut-être mis en pratique à des niveaux très concrets dans des choix de vie. Bon, après, il avait aussi d'autres aspects qu'on peut peut-être plus discuter, comme un certain patriotisme qui a fait qu'il s'est engagé en 14 pour la Grande Guerre. Alors, refus de parvenir dans le sens où il s'est engagé comme simple soldat et qu'il n'a pas voulu un poste de commandement qu'il aurait pu avoir avec ses études. Mais du coup, il est quand même mort en 1915 dans les tranchées. Et donc, la formulation qui revient souvent d'Albert Thierry, c'est la suivante. Refuser de parvenir, ce n'est ni refuser d'agir, ni refuser de vivre. C'est refuser de vivre et d'agir pour soi et aux fins de soi. Donc, on a déjà cette dimension entre le refus, qui est un refus individuel, mais qui n'est pas un refus d'action ou de la pratique collective, et qui doit s'inscrire au sein d'un ensemble plus large. Donc à l'époque, c'est évidemment conçu comme un refus d'un refus individuel au profit de la réussite du mouvement ouvrier, donc, avec cet horizon très clair de la révolution sociale à l'époque. Maintenant, évidemment, ça se présente peut-être dans des termes un petit peu différents du point de vue de la majorité des gens qu'on a rencontrés pour ce bouquin, vu que peut-être l'espoir d'une révolution imminente est peut-être un peu moins présent dans les esprits. Et peut-être aussi que la composition sociale des mouvements anarchistes est un peu différente, c'est pas forcément les mêmes personnes. Il y a peut-être moins d'ouvriers qu'à l'époque, pour le dire très vite aussi. Et du coup, on avait plus cette question de refuser de parvenir, parce qu'on partait peut-être pour une partie d'entre nous d'une position de réussite, et c'était plutôt renoncer à ces avantages, à ces privilèges qu'on peut avoir en ayant la chance, mais si c'est pas la chance, quoi, de partir dans la vie avec une position un peu privilégiée. Peut-être sans faire trop long, juste encore dire que Albert Thierry est le premier à formuler cette idée-là, mais que c'est des idées qui étaient déjà très fortement présentes dans le mouvement ouvrier en général et le mouvement anarchiste en particulier bien avant. Et à titre d'exemple, je pensais vous lire une petite citation d'Élisée Reclus, ouais, qui évoque cette thématique dans un journal en 1878. Qui dit, je le dis, l'histoire des associations ouvrières est déjà longue et nous savons comment, en pareille matière, il est encore plus dangereux de réussir que de succomber. Un insuccès est une expérience de plus et permet à ceux qui l'ont subi de rentrer dans le grand courant de la vie et de la révolution. Mais un succès, voilà qui est fatal. Une association qui réussit, qui gagne de l'argent, se fait propriétaire, se conforme fatalement aux conditions du capital. Elle se fait bourgeoise, elle escompte des traites, poursuit ses débiteurs, a recours aux hommes de loi, place ses valeurs en banque, spécule sur les fonds publics, accumule son capital et le fait voler par l'exploitation du pauvre. Devenue riche, elle entre dans la grande confrérie des privilégiés. Elle n'est plus qu'une compagnie financière obligée de se fermer à ceux qui n'apportent que leurs bras. Complètement séparée du peuple, devenue simple excroissance sociale, elle se constitue en État. Loin de seconder la révolution, elle la combat à outrance. Tout ce qu'elle avait de force vive en commençant son œuvre, elle le tourne désormais contre ses anciens amis, les déshérités et les révolutionnaires. En dépit de toute la bonne volonté des membres, elle passe au camp de l'ennemi. Ce n'est plus qu'une bande de traîtres. Ah, mes amis, rien ne dépreuve comme le succès. Tant que notre triomphe ne sera pas en même temps celui de tous, ayons la chance de ne jamais réussir. Soyons toujours vaincus. Donc voilà, pour revenir, bon là c'est d'une manière particulièrement frontale peut-être, mais ça fait partie du discours qu'on apprécie. Avec de nouveau ce lien très clair entre refus de la réussite partielle d'une personne ou d'un petit groupe, au profit d'une réussite qui soit collective et égalitaire, au sens le plus universel, peut-être, facile. Si je peux compléter aussi, donc la notion telle qu'on l'entendait, en fait, c'était plutôt une notion positive, en fait, donc de d'émancipation. Donc, un peu avant Albert Thierry, donc Eugène Debs, qui est un leader syndicaliste aux États-Unis, il dit « Si je m'élève, ce sera avec la masse et non au-dessus d'elle. » Donc en anglais, « When I rise, it will be with the ranks, not from the ranks. » Donc, c'était ça aussi dans le petit groupe du CIRA Lausanne qui nous intéressait. Donc c'était un peu cette mise en retrait, pas forcément ce pas de côté qui n'était pas forcément individuel, mais collectif. C'est vrai que dans le CQFD, il y a pas mal de témoignages qui sont vraiment des témoignages de personnes qui se sont extraites un peu du système. Et puis bon, nous, ce qu'on aimerait amener, puis la réflexion qu'on aimerait amorcer aussi, peut-être la discussion elle peut être orientée dans ce sens-là, c'est comment en fait, en tant que groupe, on parvient à sortir du rang et puis essayer ensemble de s'élever. Donc voilà, ça c'était le petit mot qu'on avait à dire. On apprécie aussi que CQFD ait mis en avant la notion et puis que ça fasse parler. Donc, il y a eu un grand succès, en fait, ça c'était aussi assez particulier. Donc, même au fur et à mesure des présentations, et puis on voyait plein de gens qui venaient, qui assistaient et qui avaient des témoignages. Et en fait, on a réalisé que ce n'était pas de manière complètement implicite qu'ils faisaient tout ça. Donc, ils avaient. Et même, parfois, les mots sortaient de la bouche de personnes qui n'avaient aucune idée de ce que c'était, de la notion du refus de parvenir, telle formulée par Albert Thierry dans cette citation-là ou dans ses textes. Donc ça, c'était quelque chose d'aussi d'intéressant. D'où l'idée aussi d'aller présenter le livre, pas seulement ici, au CIRA Marseille, mais dans d'autres lieux, qui sont pas forcément libertaires. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du collectif de l'architecture MIT qui est là. ETC qui est là. ETC. Ah voilà, super. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous voulez vous présenter. Enfin, je vous présente d'abord. Donc, un des interviews qui a été mené par un collectif d'architecture basé à Lausanne, qui s'appelle la CARP. Ça veut dire collectif d'architecture participative écologique. Donc, c'est des amis, on les a branchés un peu sur le sujet, en leur demandant s'ils voulaient contribuer d'une certaine manière. Alors, eux, ils trouvaient plus intéressant d'approcher d'autres collectifs qu'ils avaient rencontrés ou qu'il y a eu vent de leur pratique, dont le collectif, etc. Donc, on a aussi su qu'ils étaient dans le coin, donc on vous remercie d'être venus par ce temps de pluie. Peut-être que je vous laisse vous présenter. Eh bien, on va le faire rapidement. Je viens de recevoir un texto. En fait, il y a en ce moment à la Plaine, vous avez entendu parler d'un projet de rénovation urbaine là, par la Soleam. Et donc cet après-midi, il y a la reconstruction des tables qui avaient été détruites à coups de lacrymo et de matraque par la police il y a quelques semaines. Et la tronçonneuse. Et donc cet après-midi là, ça aurait dû commencer un peu plus tôt, mais à cause de la pluie, ça a été un peu retardé. Mais en tout cas, les tables vont être amenées, vont être commencées à être reconstruites, deux fois plus grosses et plus nombreuses. On vient de recevoir le signal, donc on est à tout. Ça fait un peu blague, mais. En quelques mots, nous, on est une association d'archi. On était tous ensemble à l'école, il y a 5 ans, à Strasbourg. Et puis, assez rapidement, on s'est rendu compte que la façon d'exercer le savoir-faire qu'on nous avait appris à l'école en agence, c'était de plus en plus limité et de plus en plus au service de projets ou de dynamiques qui nous plaisaient moyen. Et donc en gros, on s'est associés, on a fait une asso, et puis on est parti faire un tour de France pendant un an, rencontrer des gens qui avaient choisi d'autres voies. Et puis, on a appris comme ça à faire d'autres choses que ce qu'on avait appris à l'école. Et depuis, ça fait 3-4 ans, on essaie de mettre nos compétences au service d'asso, de structures, de mairies qui veulent tenter des choses. C'est une sorte d'architecture en général temporaires, en général construites sur place avec les gens qui sont là. Et donc, voilà, on chemine là-dedans, et puis il y a tout un mouvement en France, comme ça, d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes qui se questionnent sur l'échelle des gens, l'échelle des personnes qui vivent sur place. On a vu les collègues de la CARP, là, parce qu'on était avec Léo, on encadrait des étudiants de Lausanne la semaine dernière. Donc ils nous ont donné le livre, on l'a vu pour la première fois. Et c'est drôle parce que la conférence s'est terminée sur les questions du public qui disaient bon, bah, à quel moment là, votre façon de faire, qui est une façon un petit peu alternative de pratiquer l'architecture ou l'urbanisme, qui est plus légère, un petit peu plus à l'image des besoins qu'ont les gens au quotidien. Et c'était un petit peu, il y avait des gens qui disaient mais à quel moment ça va devenir vraiment quelque chose d'institutionnalisé, parce qu'il y a tout un courant de personnes qui pensent qu'en France il y a une autre façon d'exercer qui est en train de se lancer, plus temporaire, plus légère. Quand est-ce que ça rentre dans les écoles aussi? Voilà, quand est-ce que ça rentre dans les écoles, quand est-ce qu'il y a des vrais marchés qui s'ouvrent sur ces façons de faire. Et donc la conférence a terminé sur les gens qui disaient qu'il y avait aussi un refus ou un vrai frein pour que ça se mette en place, parce que aujourd'hui ça n'existait, ça n'avait du sens que parce que c'était en dehors d'une vraie machine à financer, d'une vraie machine à cadrer aussi ça juridiquement, tout est complètement hors sujet sur les normes, on est hors, il n'y a pas vraiment de marché, c'est pas financé, donc nous on est assez précaire dans notre pratique aujourd'hui. Et donc ça s'est fini sur Léo qui disait justement qu'il y avait une sorte de refus de parvenir aujourd'hui. Alors, Léo ne connaissait pas l'existence ni de ce livre, ni du fait qu'on avait écrit là-dedans. Tiens. Et donc il y avait une idée que, disons, le champ dans lequel on s'inscrit, nous, collectivement, on est une asso autogérée, on partage tous le même salaire qui est relativement faible, et puis on se débrouille là-dedans, on évolue ensemble là-dedans depuis 5 ans. Et donc ça finissait un peu sur le fait que notre façon de faire et de réfléchir... Peut-être qu'il fallait pas qu'elle atteigne les hauts champs universitaires, disciplinaires et institutionnels. Parce que ça pose la question, est-ce que ça ne saperait pas le sens que ça. Enfin, donc il y a eu un parallèle intéressant à Lausanne la semaine dernière. Ouais. Et du coup, vous exercez encore... comment vous fonctionnez 3 ans après l'idée de base, si on veut. Est-ce qu'il y a certaines choses qui ont bougé, ou est-ce que vous arrivez à rester toujours fidèle aux idées du début? Comment ça se passe? Ouais, je crois que les idées, elles se construisent en fonction des projets, mais ça se construit, c'est en permanence re-questionnement, la manière dont on fait. Ce à quoi on tient, c'est qu'on continue de choisir nos maîtrises d'ouvrage ou les gens pour qui on travaille. Et en fait, ça, c'est déjà une posture qu'on trouve forte et pas évidente. Où, a priori, un architecte devrait prendre à peu près toutes les commandes qu'on lui propose. Donc le sujet architectural est intéressant. Mais là, on fait plus le choix de pour qui on travaille, qui est légitime à prendre des décisions sur des aménagements qui nous concernent tous. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un grand écart permanent entre de travailler pour des collectivités et travailler avec l'Assemblée de la Plaine, ou travailler à Belzin sur d'autres trucs, quoi. Et c'est un équilibre à trouver. On n'est pas... On pense que c'est important de faire avec le maximum de monde et d'arriver à embarquer du monde avec nous. Et quand on travaille pour les collectivités, c'est quelles sont les marges de manœuvre qu'on pense avoir à l'intérieur. Donc c'est des stratégies qui sont à coupler. Voilà, j'ai pas répondu, je crois. Non, puis aussi, depuis 3-4 ans, on reste avec un salaire, on est une dizaine, et puis on partage l'argent qui rentre et on partage l'argent qui rentre pas. Et puis on choisit toujours de se mettre au service et le projet institutionnel quand il nous semble qu'il y a l'ouverture qu'il faut, et le projet qui ne sont pas financés mais qui nous plaisent, comme là le fait d'apporter un soutien logistique aux tables qui sont en train de sortir des camions là. Faut qu'on vienne. Merci. On va vous laisser aller. Désolé, en fait, il pleuvait. Donc on s'est dit que on avait peut-être le temps de rester ici. Ouais, il y a des casques. Désolé. Merci de votre intervention. Vous connaissez le lieu maintenant. Ouais, maintenant oui. Donc, essayez de passer là-haut après. Ouais. Il y aura sûrement plein de choses. Vous avez été à l'origine de la place Louis-Michel, de Zinche, vous avez parlé. On avait travaillé là-bas. Oui, vous avez fait un échafaudage et tout ça. Mais bon. Ça avait été très bien, il y avait une fête. En fait, en arrivant à Marseille, plusieurs personnes qui nous avaient dit que cette place Louise Michel, il y avait une histoire. Elle avait été baptisée par les voisins, c'est pas officiel, la place Louise Michel. Elle avait été baptisée officiellement, et puis un peu en amont, il y avait eu des projets pour la retaper avec une sorte de comité d'habitants qui avait monté un fonds de financement qui avait été sapé par la ville. Et donc nous, on avait dit, on avait des restes de matériaux d'autres chantiers, puis on avait dit, on se prend une semaine, on était allé voir un peu les gens autour et on avait fait un mini aménagement hyper léger. Ça a été bien, ça m'a permis de exposer une affiche de Louis Michel, l'école des filles, l'école des garçons, l'école pour tous. Donc ça a été sympa, super. Mais enfin, dans la période où j'ai fait, je ne savais pas qu'elle était fausse. Alors quand j'ai su par Louise Reynaud qui a fait une thèse sur Marseille, eh bien sûr, lorsque j'ai su que la place, elle n'était pas. Elle n'avait pas été officiellement. Je dis, mais pourquoi ils ne me l'ont pas dit là? Mais j'aurais fait beaucoup plus que ça. Oui, on avait essayé de marquer Louise en gros. Je m'en serais plus investi et tout. Pour elle, elle avait même marqué. Et dommage que ça ne m'a pas été dit quoi, à cette époque-là. On avait marqué sur Google. Je l'ai su longtemps après, parce que dans la période où elle m'a envoyé sa tête, j'avais pas la possibilité de le lire sur Internet, et puis je l'ai lu seulement au mois de décembre, et vraiment c'était un foutu pour faire quelque chose. Je l'ai beaucoup regretté qu'on n'ait pas dit la vérité, parce que j'aurais manifesté et j'aurais fait. Voilà, enfin, ça a été dommage. Hein. Mais c'est vrai que pour l'anecdote là, c'est que cette place elle n'existe pas, parce que c'est une parcelle qui est tombée. Oui, donc ils l'ont démolie. Ils refont des travaux dessus là. Mais je pense que ça pourra devenir juste, comme elle le dit dans sa thèse, ce qui est fait d'une façon comme ça, il paraît qu'à Marseille ça prend et que finalement la place elle sera. Inauguré en édifice avec les plaques. Par contre, là, c'est la Soleam qui fait ça, et donc c'est une procédure très très cadrée sur laquelle personne qui peut intervenir, quoi. Enfin, c'est de manière très autoritaire. Mais juste pour l'anecdote, effectivement, on l'a fait vu qu'elle n'existe pas cette place et que quand tu la rentres sur le téléphone ou quoi, ça fonctionne pas. Du coup, on avait contacté Google en leur disant que, en fait, il y avait une place qui avait été réaménagée à cet endroit-là. Et donc, ils l'ont inscrite en tant que place. Et donc, maintenant, si tu tapes sur ton Google Map, elle apparaît. Donc, c'était intéressant de se servir de Google pour faire exister Louise Michel en tant que place. On ne sait pas, c'est pas sûr. Non, la ville continue de l'appeler la place de l'angle de la rue Petite Phare et Phare. Oui, mais en fait, de toute façon, on l'appellera toujours Louise-Michel. Voilà. Oui. Le mot s'impose, c'est parce que finalement, les choses sont comme ça quand même. Un jour ou l'autre, elle s'impose, quoi. Bonne réinstallation. On vous remercie d'être rendu tout à l'heure. Ouais. À bientôt. Merci à vous. Voilà, nous on a. on voulait pas non plus trop s'attarder sur le contenu des articles ou des interviews qui sont dans le livre pour un peu laisser le suspense et puis faire que les gens quand même ils aillent l'acheter. Ça c'est le problème quand on fait des causeries, hein, après ils me disent ah ben vous avez tout dit alors. Donc il y aurait, si vraiment vous avez rien à dire, on peut vous expliquer un peu comment les choses se sont faites entre nous et les autres collectifs qu'on a rencontrés. Mais voilà, on se demandait si ici même, soit aussi à Marseille, cette notion-là ou cette thématique, elle vous parle, ou bien est-ce que, ou bien même dans les autres groupes ou associations ou collectifs dans lesquels peut-être vous êtes impliqués, si cette notion elle fait résonance, ou bien si juste c'est quelque chose de complètement étranger ou dans les cas on n'a rien à foutre. Non, il serait pas mieux là si t'en avais rien à foutre. Mais c'est vrai que c'était un terme que moi j'avais lu découvert Henri Poulaï dans les années 80 par là, et j'avais trouvé cette notion intéressante. Après, je l'ai revu que avec les débats que vous avez organisés. Entre temps, c'est un terme qu'on voit pas souvent dans nos revues, dans nos bouquins. Mais bon, après, il y a des gens qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui pratiquent sans le savoir. Au boulot, enfin, on rencontre régulièrement des gens qui ont plein de diplômes, mais qui se disent ah, là, si je fais vraiment un truc qui correspond à mon truc, je vais encadrer des gens, ça m'intéresse pas. Restons à la base, ne passons pas trop court pour monter dans les hiérarchies, parce que je vais être responsable d'une équipe de 15 personnes. Je reste où j'ai bac plus 5, mais je passe un petit examen limité pour rester à la base et toute ma carrière et essayer de louvoyer pour pas avoir des responsabilités qui vont être emmerdantes. Là, je parle de mon cas personnel. Hein. Mais je connais d'autres gens qui ont fait le même genre de truc. Quoi. Un autre aspect qu'on pourrait retrouver souvent, en fait, c'est ce désir aussi au sein de groupe, tout d'un coup, d'un besoin de reconnaissance de certains individus qui tout d'un coup veulent sortir un peu du lot. Et puis, bon, ça se passe de temps en temps. On a rencontré des refus aussi d'arborer à certains, enfin de trahir sa place, ou bien de juste changer de boulot, ou bien aller vers toute autre chose qui ne nous correspond plus, le refus des plans de carrière. Donc, ça c'est. Est-ce que vous avez des questions ou des interventions? Donc maintenant l'idée c'est de lancer le débat, la discussion. Moi je veux bien. Soyez libre. Je trouve que c'est une notion qui est d'autant plus intéressante, pas uniquement sur la question personnelle d'exister, mais aussi dans le contexte actuel, quand on voit par exemple les mouvements sociaux, c'est-à-dire cette volonté très vite de vouloir ou structurer, ou institutionnaliser, ou en fait faire qu'à un moment, ça va, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que ça va faire que quelques-uns vont prendre en fait un peu le pas sur un certain nombre d'organes de choses, hein, et donc ça me fait penser aussi à toute cette pensée par objectif, c'est-à-dire qu'on est en fait dans un monde où c'est une pensée par objectif, c'est-à-dire que même le mouvement social, même le mouvement de lutte, il doit avoir des objectifs, il doit absolument penser des objectifs sur le futur, il doit absolument. Et en fait, je pense que c'est ça qui tue. Enfin, pour moi, je pense que c'est ça qui tue la construction de justement, on y arrivera, mais tous ensemble. C'est-à-dire que c'est pas simplement moi ou quelques-uns qui allons constituer ou un parti ou quelque chose qui vont faire que c'est bien, avoir des ambitions. Moi, je dis c'est plus ambitieux encore. C'est beaucoup plus ambitieux, c'est que ça doit être en fait beaucoup plus collectif, quoi. C'est-à-dire que ça doit, et je pense que c'est des notions qui sont importantes à travailler même collectivement, quoi. C'est-à-dire à sortir de cette pensée justement où il faut absolument parvenir à l'objectif, faut parvenir à des objectifs, tout ça structure tout. Enfin, dans le travail, en tous les cas, c'est quand même une pensée qui structure presque toutes les actions professionnelles actuellement, quoi. Moi, je forme des travailleurs sociaux. La réforme, par exemple, des formations en travail social a exigé justement qu'on les forme à la pensée par projet. Et la pensée par projet, c'est bien ça, c'est tout le temps distinguer l'anticipation de la construction Donc on doit penser avant de faire, parce qu'on doit penser des objectifs avant de pouvoir. Et donc du coup, qu'est-ce que ça amène? Ça amène des travailleurs sociaux qui ne pensent plus la rencontre, parce qu'ils pensent leur projet, ils pensent des objectifs, et puis comme c'est institutionnalisé et que c'est une espèce de cascade comme ça, en fait finalement ils ne pensent plus la rencontre avec l'autre, cheminer avec, c'est-à-dire. Et puis il y a des injonctions, parce qu'en même temps on leur dit qu'il faut cheminer avec, et en même temps on les amène à penser tout le temps ce qui va devoir se passer. Et donc je trouve que dans tous les cas, cette notion elle est essentielle actuellement. Voilà ma. À quoi elle fait penser en tous les cas. Ouais, ça c'est des mots qui nous foutent des boutons, objectifs. Effectivement, tu parlais dans ce collectif, ça arrivait que quelqu'un nous dise maintenant. L'objectif, c'est 500 adhérents, et on a eu des grosses discussions là-dessus, parce qu'effectivement, les objectifs. Alors, tu parlais d'objectifs, et après, il y a l'évaluation. Hein, oui, voilà. Donc, les travailleurs sociaux ou d'autres gens, ils passent plus de temps à préparer leurs objectifs, à faire des évaluations, qu'à être réellement avec les gens. Et dans le monde du travail, ça arrive partout, hein, même chez les fonctionnaires, des gens qui sont un peu oubliés, les profs, bientôt, ils vont avoir des objectifs, ça va être temps. Je ne sais pas ce qu'on va leur donner comme objectif, mais il y a déjà les résultats au bac, mais après, ça va être, je ne sais pas quoi, que la moyenne, elle soit supérieure à tant. Non, c'est pire que ça. Enfin, après, je ne sais pas si on est complètement dans le sujet, mais c'est pire que ça. C'est ce que j'allais dire. Si refuser ça, c'est... Enfin, moi, je suis prof, et quand on nous demande, mais quel est votre objectif, là, moi, je crois que je rêve, là. Parce que mon objectif, depuis que je suis prof, c'est d'enseigner. Et d'être avec les élèves et d'essayer de leur apporter quelque chose. Je vois pas en quoi l'objectif il a pu changer en cours de route. Donc, c'est pas hors sujet. Après, non, c'est pas hors sujet, mais je veux dire. On va différencier les profs ou d'autres corps de métier. Ceux qui auront rempli leurs objectifs vont avoir des bonnes notes. Et ils vont être le chef des autres profs ou les autres. Parce que c'est ça le but aussi, c'est celui qui est meilleur. Et toi, si tu veux pas, t'as pas d'objectif, t'es mis de côté, on te regarde de travers. Après, là, tu as complètement raison. C'est vrai que cette notion-là, elle est en train de pourrir le monde du travail d'une force assez impressionnante. Et après, dans les mouvements sociaux, effectivement, après, on regarde l'histoire de tous les mouvements lycéens, étudiants, il y a toujours eu des porte-paroles. C'est comme Monsieur Machin, Mademoiselle Truc. On s'aperçoit que Monsieur Machin, Mademoiselle Truc, ils sont tous permanents au PS. Et des mouvements comme Notre-Dame-des-Landes, ça fait tous Camille. Et ça, c'est un nouveau concept assez rigolo. Là. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Camille. Alors, il y a des Camilles partout. Mais c'est pas Monsieur Machin, Madame Truc, et la Camille ou le Camille, je pense pas qu'ils fassent carrière et qu'ils parviennent. Et ça, c'est, je trouve ça, c'est pas même, il y en a de plus en plus, hein, des Camilles. C'est pas nouveau. Les non-violents, ils faisaient ça. Oui, non, mais là ça devient de masse. Hein. À Notre-Dame-des-Landes, t'as jamais quelqu'un qui va dire. Ou à Sivens, t'as jamais quelqu'un. Enfin, après, t'as les partis institutionnalisés, mais les gens de base qui font des luttes vraiment horizontales, ils se mettent pas en avant. Moi, ouais, j'avoue que je ne comprends pas trop votre démarche. Donc, j'aimerais en savoir un peu plus. Qu'est-ce que vous faites? Une étude statistique, faire le tour du monde? Savoir ce que les gens pensent de la notion qui est apparue, je ne sais pas trop comment, à Lausanne. Vous pensez construire quelque chose à partir de cette réflexion là-dessus. Parce que vous arrivez, vous avez un bouquin, mais en gros, on a un bouquin, bon, le bouquin, on le met de côté. Ah, vous le lirez après? Non, mais en gros, hein, on va discuter d'un sujet, à la limite, où moi, il y a 5 minutes, je ne l'avais pas en tête, par exemple, où j'en parlais pas. Donc, alors que. Ah, avec une manière un peu agressive, d'ailleurs vous êtes un peu plus doux, un peu plus agressif. Et donc j'avoue, je ne comprends pas trop s'il y a quelque chose derrière, si vous pensez qu'il y a à partir de ce terreau, de cette réflexion, qui peut se mettre en place quelque chose, ou que c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de gens, et par beaucoup de gens à travers le monde aujourd'hui qui sont en lutte, c'est ce qui peut les réunir. Donc j'ai un peu de mal à rentrer dans le débat. Bon, je suis retraité, donc effectivement, pour dire rapidement, je veux dire, on a tous fait quelques études et on a eu à un moment donné à choisir s'il fallait encadrer, pas encadrer, être atypique dans un milieu professionnel, etc. Mais tout ça, on l'a vécu d'une manière assez personnelle chacun. On a retrouvé ça dans le travail, dans le syndicat, dans les partis, partout. Mais bon, je veux dire, c'est derrière, hein, je veux dire, on vit avec. Hein. Vous, vous arrivez, vous êtes beaucoup plus jeune, avec une volonté de débattre avec les gens, de vous déplacer et d'aller débattre là-dessus. Donc c'est quand même, c'est une démarche importante de bouger, d'aller vers les gens et de, d'instiller ce débat. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? C'est pas uniquement aller voir avec vous à Marseille, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est pas ça votre démarche. Hein. Donc, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Est-ce que vous pouvez, est-ce que votre réflexion, c'est qu'on peut faire quelque chose à partir de ça, ou fédérer? Voilà, donc, je ne sais pas, je ne comprends pas trop ce que vous avez, ou vous apportez uniquement. Non, parce que finalement, vous ne vous apportez pas de l'information, puisque vous ne voulez pas ce qu'on ne lise pas le livre. Quoi. Si, si, on ne sait pas. Là. Non, mais je ne comprends pas trop ce que vous êtes venu nous dire. Mais je dis ça, peut-être un peu en forçant un peu le truc. Non, c'est bien. Hein. Ouais, on est bien d'accord, c'est pas du tout. Moi, je n'ai presque pas envie de m'exprimer là-dessus. Je veux dire, je le vis à ma manière, ou je l'ai vécu à ma manière, ce concept, entre guillemets, je veux dire, les points marquent. Il est là, toujours là. Mais il est avec nous, mais dans autre chose. Alors que vous, j'ai l'impression que c'est le point essentiel et central. Avec ce point essentiel et central, vous allez agglomérer autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui me paraît intéressant, c'est que ce qu'on trouve là-dedans, c'est à l'opposé du discours qu'on entend en permanence. Tout notre discours qu'on entend, c'est il faut être plus beau, il faut être plus fort, il faut gagner plus d'argent que les autres, il faut écraser les autres. Et ça, c'est le discours permanent qu'on entend dans la société, qui est martelé en permanence. Et qu'à un moment, on s'arrête de se dire, mais attends, est-ce que c'est la seule conception possible de la société? Est-ce qu'on peut construire d'autres rapports humains, autrement, sur d'autres valeurs, des valeurs de solidarité, de partage, je veux dire, où on fait fi de la concurrence, etc. J'étais enseignant, il y a longtemps. Le simple fait, par exemple, de refuser de noter et de refuser de classer, mais ça pose des problèmes énormes dans une école. Parce que les parents, ils comprennent pas. Pourquoi mon petit, il est premier? Pourquoi vous dites pas qu'il est le premier? Ben oui, mais c'est ça. J'ai eu des conflits énormes avec des parents avec ça. Mais des grands-mères, surtout. je veux dire, parce que ça fonde tout chez nous. Il me semble qu'à un moment, s'interroger là-dessus, se dire, est-ce qu'il y a d'autres valeurs? Est-ce qu'on peut construire un autre type de société? Il me semble qu'une pensée comme ça, elle est à contre-courant de tout ce qu'on entend. C'est loin d'être banal. Après, chacun individuellement, il a son petit machin. Moi, la pire des insultes qu'a voulu m'adresser mon inspecteur, qui voulait que je prenne une grosse école, etc., il m'a dit, mais vous êtes sans ambition. Ah, je trouve ça formidable. Je veux dire, pour lui, c'était la pire des choses. Je voulais pas avoir une grosse école. Je veux dire, mais et ça, c'est la pensée générale, il me semble, pour beaucoup. Et qu'on s'interroge là-dessus, ça me paraît intéressant. Et peut-être le fait d'avoir eu le témoignage des copains juste avant. Pardon. Crier la parole. Vas-y. Je retiens. Oui, l'intervention des copains avant, elle est super intéressante, justement, de montrer que collectivement, on peut faire autre chose. Parce que, grosso modo, on va dire, quelle image on a des architectes, des gens qui font des études, pas tout à fait faciles, mais qui, généralement, quand même, quelques temps après, gagnent plein de blé, quoi. Ils construisent le MUCEM. Oui, non, mais ce sont des gens qui gagnent vraiment très bien leur vie, souvent, et etc. Et là, d'entendre, justement, dans un métier qui, Dieu sait, peut être utile, justement, des gens qui ont cette réflexion, ils ont bien insisté, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu, que ce qui comptait pour eux, c'était pour qui ils allaient travailler et qui allait financer, et que ça était plus important que le reste, et qu'à l'arrivée, ils gagnaient vraiment pas beaucoup leur vie. Ben voilà, ça, moi, je trouve que c'est intéressant. Vas-y, et puis après, vous rebondirez. Moi, je veux demander comment vous y êtes pris pour réunir les exemples contemporains de ce qui semblait se rassembler autour de cette idée-là. Et si ces exemples s'y reconnaissaient, comment ils s'y reconnaissaient, à partir de quel... si c'est des pratiques, c'est des discours, quels mots... est-ce que, là, par exemple, il y a quelqu'un qui vient voilà, des méthodes... et puis si après il y a une tentative de montrer un mouvement qui grandit ancienne et les exemples plus actuels. Qu'est-ce que vous avez conclu, quoi, sans forcément le dire, dans le truc. Alors, je vais aller d'une manière un peu plus douce pour ne pas vous agresser. Je vais répondre à la question. Non, mais pour ce qui concerne les pratiques actuelles, donc il y a plusieurs... On a réfléchi en quelque sorte à qui on pourrait... qui est-ce qu'on pourrait brancher un peu sur le sujet, où est-ce qu'il y aurait matière à développer. Par exemple, on s'est approché d'un collectif de photos qui est basé à Genève, qui s'appelle Interphoto, qui est actif depuis plus de 40 ans, donc dans la photographie militante. Et c'est tous... Enfin, il n'y a personne dans ce collectif-là qui gagne de l'argent depuis le début, donc ils ont une espèce de charte comme ça qu'ils ont respectée depuis le début. Personne qui gagne de l'argent avec leurs photos, il n'y a pas de nom qui apparaît, c'est le nom du groupe. Donc, et puis là... Interphoto, c'était un exemple qui nous semble aussi assez révélateur de justement cette démarche ou cette pratique qui, comme vous l'avez dit, en fait, ils le faisaient naturellement. Mais tout d'un coup, on arrivait à faire des parallèles, en fait, avec eux, leur manière de faire. Donc, ils continuent encore maintenant. C'est beaucoup plus difficile pour eux d'aller faire des photographies dans les manifs parce qu'ils sont vieux. Ils arrivent avec deux appareils, tout le monde croit que c'est des flics. Et aussi, ils donnaient leur... c'était un prix qui était assez, ce qui était raisonnable. Donc, ils vendaient leurs photos à des journaux syndicaux, des journaux de lutte. Et en Suisse, il n'en existe plus tant. Donc, maintenant, ce qu'ils font, c'est de l'archivage. Ils n'ont jamais non plus dans leur carrière individuelle, donc chacun et chacune respectivement, ils ne voulaient jamais gagner plus d'argent que ça. Ils ont toujours fait un petit boulot, puis ils sont contentés de ça. Donc là, on a trouvé que c'était super intéressant tout d'un coup d'aller à la rencontre de ces gens-là et puis de tirer des parallèles avec ce que Albert Thierry aurait pu mettre en avant ou typiquement une autre pratique contemporaine, si on veut, les architectes qui sont venus parler, enfin qui étaient juste là. Donc ça c'est sous forme d'interview. Dans le bouquin, ils vont un peu plus au fond des choses. Un autre exemple dans les pratiques actuelles, c'était de se questionner sur le rôle de la musique ou bien du théâtre, un peu comment tout d'un coup, de faire le tour de plusieurs groupes, là aussi c'est une espèce d'interview, qui jouent dans des espaces libertaires, qui jouent dans des lieux autogérés et qui, depuis le début de qui font la musique, qui veulent pas signer sur des gros labels, qui veulent produire eux-mêmes et diffuser eux-mêmes leur production, donc qui font recours à d'autres méthodes d'artisanat pour imprimer ou pour enregistrer leur support, et qui, avec tout ça, ils tournent dans un réseau qui est super organisé, qui est en lien à travers l'Europe. Donc pour cette interview-là, on s'est contenté de groupes en Europe. Donc on, c'est vrai qu'après un moment, on s'est dit qu'il fallait peut-être aller plus loin pour prendre des autres contextes, chose qu'on n'a pas forcément réussi à faire sur ce coup-là. Et là aussi, en fait, c'était une manière de... Personne voulait danser... Enfin, beaucoup d'artistes, ou si même ils n'aiment pas se faire appeler artistes, voulaient pas un jour... Ils voulaient rester là et jouer, continuer à jouer dans les squats et puis d'aller de tel ou tel lieu, récolter des brochures, des journaux, les distribuer, les diffuser, rentrer à la maison... donner les contacts à d'autres groupes qui eux-mêmes allaient jouer dans ces mêmes lieux. Donc ça, c'était aussi une interview qui apparaît. Il y a un collectif féministe qui s'appelle Les Pires, qui est basé aussi à Lausanne, qui se questionne sur l'université. Donc eux, elles sont venues parler aussi à même. Et tout d'un coup, quand on aura branché sur une perspective d'écrire un bouquin ou de participer en tout cas à la diffusion d'un texte, elles ont été super motivées. Puis ça l'a... Donc en fait, c'est de fois en fois, comme ça, de discussion en discussion, que finalement on arrive ici maintenant. Et puis peut-être que ça n'a pas lieu d'être de dire des choses ici et d'arriver avec un bouquin et puis de commencer à parler pour pas vraiment parler ou pour laisser la place à ce qui est dit dans le livre en lui-même. Mais c'est de d'écouter aussi ce que les gens ils ont à dire, ce que vous-même vous aurez à dire, ou bien ce que chacun qui participe ici ou qui fait partie du lieu ou qui est juste de passage, en fait, qu'est-ce que cette notion fait résonner en elle-même, quoi. C'était un peu l'idée. Donc, je trouve que c'est une question super pertinente. Moi, je sais pas vraiment pourquoi je suis ici à parler de ce bouquin-là, mais je pense que c'est un moment important. Et puis, c'est une invitation aussi du CIR à Marseille. On est une petite équipe, et puis on s'est dit, bon, nous, on y va. Et puis, si on est invité là-bas, ben, on ira là-bas, et puis on posera. On aurait aussi pu, on a choisi de pas forcément le faire, mais de prendre chacun des articles ou bien des contributions du bouquin, et puis de discuter 5 minutes autour de chacun des textes. Mais ce qui nous semblait important, c'était vraiment... voilà, après, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, ça c'est une bonne question. Est-ce que ça va déboucher sur quelque chose? Ça, moi je l'espère, j'espère que oui, quoi, mais je trouve que c'est à nous de déterminer, en fait, c'est un peu le moment qui fait les choses. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi, on peut donner une réponse quand même un peu plus précise à ta question, pour qu'est-ce qu'on fout là, pourquoi on s'est donné autant de mal à faire ce bouquin, si après c'est pour ne pas en parler. Moi je pense que c'est aussi, en gros, il y a l'idée assez simple de mettre un mot, de mettre un terme, une notion sur le marché des idées, quoi. Parce que pas mal de gens ont dit, ouais, moi, on m'a reproché mon manque de mission, toi, t'as dit, moi, dans mon métier, j'ai refusé de grader. Les architectes disent, on n'a pas envie de faire carrière, on n'a pas envie d'accepter des mandats qui nous plaisent pas. C'est plein de positions, dans des endroits très différents, dans des mondes professionnels très différents. Puis après, on a parlé d'artistes ou de photographes, dont l'art, c'est... Et je pense qu'on essaye de donner une perspective qui permet d'unifier et de rendre cohérente toutes ces différentes oppositions qui sont vécues individuellement. Et c'est ça le problème, quand on dit il y a le discours du succès, la pensée par projet, par objectif, etc. Ça, c'est le discours qu'on matraque partout. Et du coup, un discours contraire, il est vécu comme un problème individuel, quoi. C'est un manque d'ambition. Où on entendait des gens qui nous disaient, quand on lançait ce débat, quand on lançait ces termes, des gens qui pouvaient dire, moi, je te refusais de grader au boulot parce que c'est pas dans mon caractère. Mais c'est pas dans mon caractère, c'est pas une question de caractère, en fait. C'est une question bien plus profonde et bien plus politique que ça. Et c'est un refus délibéré. Qu'on essaye de rendre peut-être plus conscient, en fait, qu'on essaye de rendre plus formalisé pour qu'on puisse s'y retrouver et le revendiquer en tant que quelque chose de positif et auquel on peut s'agglomérer et pas uniquement comme un espèce de manquement individuel à moitié assumé, mais pas vraiment parce qu'on s'est vécu comme une espèce de honte ou d'insuffisance. Enfin, c'est ça qu'on nous renvoie au visage quand on refuse de bosser à 100%, de faire une carrière, de monter les échelons, etc. Donc c'est de dire non, c'est pas un échec individuel, c'est pas un manque d'ambition, c'est pas un problème personnel. C'est un choix politique qu'on fait collectivement et qu'on n'est pas seul à faire. Et que plein de gens font sans même le savoir. Et ce qu'on essaie de dire, c'est essayer de prendre conscience de ce truc. Essayer de se dire, c'est pas moi, c'est pas mon caractère, c'est vraiment un truc plus large. Et si tout le monde partage ce caractère, ben, on est en train de construire quelque chose de collectif et d'horizontal, quoi. Donc je pense, c'est ça peut-être la réponse que j'aimerais bien donner à ta, oui, à ta question un peu offensive. C'est de dire ça, c'est de dire vraiment, on essaie de lancer ce terme-là dans le débat. Voilà, et j'ai l'impression que ça résonne chez pas mal de gens. Donc c'est que c'est pas inutile. Vous dérange entre guillemets, je veux dire, au départ, c'est le point de départ, c'était de ne pas faire un livre, et puis vous avez un bout de piste, comme tu l'as dit, on s'est trouvé à faire un livre. Le plus important, c'est pas vraiment le livre, du coup, c'est pour ça que vous le mettez un petit peu de côté, sans le mettre de côté, dans le temps de côté, c'est plutôt le débat, et puis faire ressortir quelque chose. Mais, on a l'impression que c'est presque un boulet que vous avez l'air de donner. Non, c'est pas le cas. Maintenant, il faut aussi se rendre compte, ce qui est super intéressant, je trouve, c'est que, en fait, à un moment donné, on s'est arrêté là, avec les contributions, avec les articles, avec les interviews, et finalement, on pourrait demander à plein de gens, puis on pourrait faire un deuxième tome, ou j'en sais rien. Et puis, ce que je trouve, un parallèle, quelque chose qui, moi, me semble super intéressant, c'est que la notion d'elle-même, comme elle a été vue auparavant, c'était un syndicaliste révolutionnaire, et puis maintenant c'est des gens qui se revendiquent pas du tout du mouvement anarchiste ou du groupe libertaire qui tout d'un coup mettent en avant ces démarches. Et puis, je trouve que ça c'est quelque chose, il y a quelque chose qui se passe en fait. Il y a un truc moi que je me demande, c'est que dans le refus, il y a un truc, le refus c'est pas... Tu dis non à quelque chose, quoi. Et comme tu disais, en fait, tout à l'heure, il y a le mot naturellement, des gens qui feraient ce choix naturellement. Mais je vois pas, en fait, ce qui peut être naturel, parce que comme vous disiez, en fait, on vit dans un truc où on nous pousse à ça, quoi. Et même quand des parents, en fait, ils vont dire, mais je veux que mon fils soit noté, c'est l'institution aussi, elle n'est pas contente, le prof qui note pas, et ses parents, ils ont eux-mêmes en fait été habitués à ça, et à penser le bonheur en termes de réussite et de carrière. Mais du coup, dans Refus, en fait, il y a un truc de construit, quoi, dans l'idée de... Et moi, je trouve qu'il y a aussi ce truc sur collectif en milieu, je vois pas trop, parce qu'on a commencé par discuter sur, du coup, les définitions, avec où il y avait l'horizon, la révolution sociale et tout, donc il y avait la victoire de la masse. Il fallait se retirer d'un truc, mais quand même pour envisager la victoire de la masse, un truc collectif, où on sait pas, c'est quoi la victoire. Et aussi, ça me fait penser à ça, c'est que dans le milieu professionnel, on dit, on raisonne toujours en termes d'objectifs. Moi, j'ai même l'impression qu'en fait, dans les luttes, on raisonne en termes d'objectifs. Et d'urgence, car on passe à la perspective. Ça vient pour septembre, je pense. Mais le discours qu'on entend à propos de Marseille Debout, par exemple, ou des Nuits Debout, c'est ben vous, mais ils ne savent pas où ils veulent aller. C'est ça qu'on entend. Il n'y a pas l'objectif, ils ne savent pas où ils veulent aller. Mais pourquoi il faut savoir où on veut aller au départ? Voilà, on construit. Si on construit, on verra bien où on va. Et un autre truc aussi, c'est que j'ai l'impression que du coup, on raisonne beaucoup dans le milieu professionnel, et moi je me pose la question, parce que c'est possible en fait, parce que tous les témoignages qu'il y avait là, c'était. Ben moi, j'ai refusé de parvenir dans le cadre professionnel. Je me demande en plus quelle est la part un peu du confort en fait là-dedans. C'est-à-dire de dire, ben, évidemment, en fait, c'est plus de contraintes et d'emmerdement que d'avoir à diriger des gens. Donc, quelle est la place vraiment du refus affirmé construit là-dedans. Et du coup, quand pour moi, ça veut dire en fait refuser de parvenir, je sais pas trop ce que je mets derrière, mais pour moi, ça veut dire aussi en fait simplement ne pas travailler. Pour moi, je vois un truc comme ça en fait. C'est-à-dire que en allant au travail, forcément, je vais me retrouver prise dans les logiques de hiérarchie, Et j'ai pas le choix en fait en étant quelque soit fonctionnaire ou pas, j'ai pas le choix d'être là-dedans. Du coup, ça veut dire je refuse de parvenir, mais je refuse aussi le travail. Et même dans le truc de l'alternatif, architecture et tout, je suis pas sûre qu'en fait, parce que tu fasses de l'alternative, tu sois pas dans le truc de je refuse de parvenir. Quoi. Je sais pas si c'est automatique, en disant je remets en cause un peu des institutions, mais bon, je fais des choix, machin, est-ce que tu refuses de parvenir? Il y a quand même une forme de réussite, quoi, là-dedans, en fait, de spécialisation, d'accomplissement, quoi. Je sais pas en fait c'est quoi. Du coup, moi je me demande c'est quoi ce refus de parvenir parce qu'on l'a pas bien. Enfin, moi je le sens pas bien en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Devant, de côté, autour. Toi, je l'entendrais comme un refus de réussir. Bon. Et moi je l'entends comme un refus d'individualiser. Et c'est la phrase enfin la citation d'Albert Thierry qui me fait dire ça. Refuser d'agir pour soi et aux fins de soi. À l'envers, ça veut dire agir toujours pour l'ensemble. Quoi. Moi, c'est ça que j'aime bien dans le refus de parvenir. Cette idée de refus de parvenir, telle que je la comprends, c'est que c'est l'inverse du monde actuel qui pousse les gens à l'individualisme. Et pour moi, c'est ça le refus de parvenir, c'est le refus de l'individualisme. C'est la volonté de, je sais pas comment on peut dire, collectivisme, solidarité, fraternité. C'est vouloir de l'horizontalité. Quoi. Et après, pour moi, c'est pas incompatible avec réussir, c'est pas incompatible avec être un grand architecte ou un grand prof ou un grand responsable de quoi que ce soit. À partir du moment où on fait les choses alors, le plus horizontalement possible, parce qu'on n'a pas toujours les mains libres. Quoi. Mais si par exemple on devient directeur d'une école et que on décide avec son équipe d'enseignants d'intégrer des pédagogies sans notes, par exemple. C'est pas incompatible avec le refus de parvenir. C'est pour moi, en fait, parvenir, c'est tellement inclus dans la logique de ce monde-là que tu peux... ce que je vois, moi, dans le refus de parvenir, enfin, ce que j'imaginais en venant ici, c'est que ça pouvait pas aller sans une critique de ce monde-là. Et du coup, par exemple, ce que tu dis dans le cadre d'une école, donc qui va être obligée de respecter les programmes de l'éducation nationale, et qui, en fait, l'école, elle te prépare ensuite à rentrer sur le marché du travail. Et du coup, en fait, ça reste carrément dans la route qui est tracée. Quoi. Et c'est ça, moi, qui me dérange et me pose problème aussi. Et peut-être vous avez. Je connais pas la Bertinelli, je ne connaissais pas. Avant, moi, j'ai lu Refus de parvenir le plasticule là, de la Rochelle. Et donc, je me souviens, donc, il est resté instituteur dans le primaire. Il y a une stratégie là-dedans. Est-ce que vous savez ou pas? C'est une stratégie du style rester proche des enfants pour leur enseigner une manière de vivre le monde, en fait, et ne pas se retrouver avec la responsabilité administrative. Finalement, il n'y a pas de contact avec les enfants. J'avais lu un truc comme ça Pour Albert Thierry, je pense qu'il y a un truc simplement de fidélité à sa classe, parce que c'est vraiment, il se perçoit clairement comme prolétaire, et il a l'impression que si, parce qu'il a été doué, il va enseigner à des gosses de riches, il trahit sa classe, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment un truc de fidélité à des principes classistes classiques à l'époque, quoi. C'est à une époque où il y avait peu d'enfants qui allaient dans le secondaire et à l'université. C'est très différent d'aujourd'hui. Et effectivement, il y a beaucoup d'instituts passés profs, et la classe des profs du secondaire était déjà des bourgeois. Ils n'étaient pas du tout... ils étaient séparés du peuple. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'il y avait deux systèmes scolaires. Il y avait le système scolaire primaire qui était fait pour les prolétaires. C'était ce qu'on a appelé le cours préparatoire, cours élémentaire, cours moyen, classe de fin d'études. Ça voulait bien dire ça. Et on finissait les études à 14 ans, ou un peu avant, puis après ça arrêtait à 14 ans. Et puis éventuellement, il y avait, après quand on a créé les collèges, le collège d'enseignement général. Ça, c'était une première structure qui était réservée au prolétariat. Puis il y avait une deuxième structure qui date de Napoléon, la 11e, la 10e, la 9e, la 8e, la 5e, etc., avant d'arriver à la 6e, qui était le lycée, mais c'est une structure qui était complètement parallèle. Ce n'étaient pas les mêmes enseignants, c'est-à-dire que les premiers, ils rentraient en 11e, parce qu'ils allaient vers les études supérieures, vers le baccalauréat, les autres, ils rentraient au cours préparatoire, et ils allaient vers la classe de fin d'études. C'est bien deux structures différentes, l'une qui était réservée au prolétariat, l'autre qui était réservée à la classe bourgeoise. Ce que tu as dit, là, ça m'a fait penser le refus du travail. Ça, on a plein d'exemples de gens qui... Enfin, c'est le refus du travail du salariat. Parce que le travail, on est quand même... si on veut bouffer, on va être obligé de travailler un peu d'une manière ou d'une autre. Et je ne sais pas si vous l'avez abordé dans le bouquin, j'ai pas eu le temps de tout regarder... Et je pense à ces gars qui, après 68, se sont établis en usine. Alors donc, c'était un espèce de refus de parvenir, parce qu'ils avaient tous des études, ils auraient peut-être pu être profs d'universitaire, architecte, je ne sais quoi. Et délibérément, ils ont choisi d'aller bosser à la chaîne, des trucs qu'on refuse, qu'on trouve complètement aberrant, qu'on peut refuser, comme ce que tu viens de dire, d'aller... faire un travail complètement aliénant. Est-ce que vous en avez parlé des établis? Pas du tout, ça. Et vous allez pas rencontrer dans les débats tout ça, parce que il y en a quelques-uns qui je pense à, il y avait Robert Linhart qui avait écrit l'établi, donc c'est un témoignage, c'est insensé, on dit on n'a pas envie d'aller à l'usine. C'est alors que le gars, effectivement, il a refusé de parvenir, mais pour faire un truc complètement aberrant, quoi. Il s'est pourri la tête et il n'arrivait plus à lire le soir, quoi. Et il y en a quelques-uns qui sont retournés faire leur boulot d'architecte, de prof, tout ça, au bout de 2 ou 3 ans, mais il y a quelques-uns qui ont fait toute leur carrière à l'usine. Et j'ai jamais eu l'occasion d'en rencontrer dans les débats qui ont été organisés des gars comme ça. Non. Bon, on commence les débats. Ah, on commence. Non, on commence. On commence, d'accord. Non, mais toutes les réunions qu'il y a eu pour préparer le bouquin. Ah, non. Non. Parce que ça a été un mouvement qui a quand même touché pas mal de gens, hein, ça. Mais sur le truc de la scolarité et des études, il y a une contribution d'Anne Steiner qui est assez intéressante à ce niveau-là et qui montre justement la transition entre ce système scolaire dans ces régimes. C'est ça, oui, ça date de Napoléon. Clairement séparé et scindé, il y avait très très peu de passerelles possibles entre les deux. Maintenant méritocratique, mais qui ne résout pas le problème. Ce qu'on veut, c'est pas l'égalité des chances et que chacun ait le même espoir de marcher sur la tête des autres pour devenir architecte ou prof d'uni, quoi. Mais que du coup, il y avait à l'époque, peut-être, le fait de n'avoir aucun espoir de faire une réussite sociale par les études, par exemple, ça permettait de très clairement différencier volonté de s'instruire en autodidacte ou parmi les siens, en fait, d'une stratégie d'ascension sociale. C'était complètement séparé. Et ça, c'est vraiment, je pense, c'est une des bonnes contributions à lire, si vous voulez en lire qu'une. Ça explique très bien ce truc-là. Et ça montre vraiment très bien que... si c'est plus compliqué aussi maintenant de tenir ce genre de discours de refus de parvenir, c'est précisément parce que tout le monde a l'espoir de parvenir par la réussite individuelle, par l'ascension sociale, par les études, etc. Et que si tu ne réussis pas ton ascension sociale dans les études, c'est de ta faute, quoi. C'est toi qui dois assumer ça, tu le mérites, t'as eu les mêmes chances que tout le monde, t'as fait les mêmes écoles, et du coup c'est bien de ta faute si t'as pas réussi à monter, quoi. Et ça c'est assez intéressant, je pense, de voir à quel point, en fait, sous prétexte d'une amélioration et d'une égalité des chances, on justifie l'inégalité de manière encore plus définitive et impossible à comprendre personnellement que c'était avant le cap. Avant, parce qu'on savait qu'on avait plus de chance de faire des études supérieures, donc on savait que c'était pas un choix, que c'était une condition sociale, en fait, et non pas une question individuelle. Et moi, il y a un truc aussi autour de l'individualisme qui me pose question, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que le truc de l'individualisme, quand on en parle, on a l'impression que du coup, c'est vraiment, et c'est vrai, c'est chacun pour sa tranche, marche sur tes preuves, tes collègues, et pour t'en sortir. Mais que c'est trompeur quand même comme mot, parce qu'il y a individu dedans. Et que du coup, il y aurait ce truc de... l'individu, c'est super, machin. Mais en fait, pas du tout. C'est pas du tout centré sur l'individu. Tu réussis en te conformant à un modèle social. Tu participes à la société, à la norme. Tu réussis pour... je sais pas c'est quoi le mot qu'ils emploient, mais il y a ce truc-là, la doxa, non, c'est pas le truc qui est... Je sais pas, ouais, enfin, il faut travailler, parce que si tu travailles pas, alors t'imagines, tu coûtes des sous à l'État, du coup, à tes concitoyens, machin. Et du coup, en fait, ce truc-là, j'ai l'impression qu'il existe quand même, en fait, le collectif. Il a une incidence. Et il faut travailler pour ta famille, il faut travailler pour tes gosses, il faut travailler pour ton pays, peut-être même partir faire la guerre pour lui. Tu vois, il y a quand même tout ça, quoi. Et du coup, ce truc de l'individualisme, je sais pas si on peut lui remplacer. Ce que tu disais, tu vois, ce que tu vois dans le refus de parvenir, il y a l'idée de collectif, de solidarité. Et j'ai l'impression que quelque part, en fait, on est déjà là-dedans. Il faut tous qu'on marche tête baissée vers un modèle commun, déjà commun. Je pense que c'est pas le même collectif. Enfin, je crois que... Oui, je pense que c'est pas le même collectif. C'est vachement dur à dire, mais je trouve que l'individualisme n'est pas le même collectif. Mais le problème de fond qui passe à l'attaque à l'individualisme, c'est quand même... Moi, je suis individualiste. Oui, mais c'est pour ça que ça fait penser aussi à l'art. J'ai individualisme, j'ai fait des coopératives, j'ai participé au DAG, je suis un individualiste solidaire. C'est-à-dire que je suis d'abord moi en tant qu'individu. Parce que j'ai regardé dans l'histoire les collectivisations, ce que ça avait, en tout cas les collectivisations imposées par l'État, ce que ça avait donné. Moi, je n'ai pas du tout envie de vivre ça. Je suis assez d'accord avec ce que dit la copine de devant, c'est-à-dire que le collectivisme, c'est un peu de ces orwelliens, c'est-à-dire on dit vous êtes individualiste, mais je veux dire vu la prédominance de l'État sur nos vies, sur les structures, sur tout ça et tout, je suis pas du tout individualiste, je refuse. Et c'est là que moi me vient la réflexion. C'est, bon, vous dites, il y a des expériences, mais ces expériences, elles ont toujours eu lieu. Après 68, il y a des tas de gens qui ont tenté dans tous les domaines des tas de trucs, que ça soit de retour à la campagne, que ça soit de vie collective dans les villes, que ça soit au niveau architecture, au niveau de l'édition, au niveau de des coopératives, et tout ça, il y a tout le temps eu ce refus. Le problème, c'est qu'on se pose et qu'il faut se poser et qui se pose depuis la commune, depuis le début de l'unité, c'est de savoir si on peut dans la structure actuelle, c'est-à-dire dans les structures étatiques très fortes qui existent, avoir des s'extraire de ça et de penser vivre de l'autonomie ou du différent ou de l'alternative ou de tout ça et tout. Ça peut être déjà une piste qui peut nous amener à réfléchir. C'est-à-dire, il y a eu des tas de tentatives, mais ces tentatives, elles se heurtent chaque fois au moule, c'est-à-dire l'État, il est là, il est présent avec ses bureaucraties partout et tout. Voilà, moi je trouve qu'on est tout le temps confronté à ça, quoi. Et c'est de pire en pire, parce qu'on le voit même au niveau du boulot. Avant, les syndicats, ils étaient autonomes de l'État. Maintenant, ils sont complètement intégrés à l'État. Les partis politiques, ils sont complètement intégrés à l'État. Les grandes boîtes, style l'ENA, style tout ça, l'État, tout ça, c'est la reproduction de l'État. On est face à un monstre qui, soi-disant, veut notre bien à tous, mais qu'en fait, il ne veut pas notre bien à tous. Il nous met constamment en concurrence, il nous écrase, il nous scie, il nous ça. Alors on dit, oui, mais il y a la sécurité sociale, mais la sécurité sociale, elle a été faite parce que les ouvriers, ils ont fait les mutuelles. Et donc l'État, il s'est dit, oulala, il commence à y avoir une autonomie, il commence à s'organiser différemment. Et après-guerre, on a dit, bon, on va faire la sécurité sociale. Mais c'est pas l'État qui a fait ça. Je veux dire, c'est chaque fois que le mouvement ouvrier, dans des luttes, que ce soit dans les communes, que ce soit dans des grandes grèves ou des trucs comme ça, fait des avancées, l'État il récupère en disant, vous voyez, mais nous, nanana. Mais c'est, chaque fois, c'est un carcan. On le voit actuellement, c'est un carcan. Et puis ce qu'on voit actuellement surtout, c'est que la société est bloquée, elle est complètement bloquée. Et qu'on a beau dire, il y a de plus en plus de gens exclus, il y a de plus en plus de précarité, il y a de plus en plus de... Donc comment passer par-dessus ça, quoi? Parce que la réflexion que vous avez, ça peut être comment accélérer pour passer par-dessus ça. Mais le problème, c'est cette structure qui est là et qui se... En plus, on le voit, il y a l'État, après il y a l'Europe, après il y a le TAFTA qui devient le type, il y a une organisation mondiale, il y a un tissu qui fait que il faut que tout rentre dans ce moule-là et que tout aille. Encore au début du siècle, quand ils faisaient des alternatives, ils avaient des chances un peu de rester à l'écart. Maintenant, tu peux même plus ouvrir une école parallèle parce que si tu n'as pas le confort de ci, le ça, le ci, c'est... Donc la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la structure qui nous opprime en premier et comment faire pour essayer de s'en débarrasser. En tout cas, c'est la réflexion. Alors après, tout ça, c'est des tentatives honorables, c'est sûr, mais qui datent depuis des siècles. Toutes ces tentatives datent. Le problème, c'est est-ce que dans l'organisation actuelle de nos sociétés, on a une chance d'émancipation ou pas? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Comment y répondre et... Bon, même s'il n'y a pas de chance, on essayera, ou bien. Ouais. Ouais, mais moi, tu vois, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Roclus tout à l'heure, avec la phrase que tu as citée. Il a dit, oui, même si on est vaincu, le problème, on n'est jamais vaincu. On peut perdre, on peut aller à l'affrontement, perdre et tout, mais on ne peut pas être vaincu. Vaincu, on ne peut pas parce que... Nous, en tant qu'individu, on a envie de vivre autre chose. Donc, on ne peut pas être vaincu. Le seul moyen où on est vaincu, c'est quand on liquide physiquement. Mais sinon, on ne peut pas être vaincu. Il ne faut pas parler d'être vaincu. Parce qu'on a d'autres aspirations, on a d'autres désirs, on a des tas de choses que l'État ne peut pas nous apporter. Si c'est ce qui sort par la télévision ou par Internet, si c'est ça le plaisir, par exemple. C'est ce qui avait été reproché à Michel Aragon, son titre « La mémoire des vaincus ». Et pour revenir sur Marseille, il y a quand même une expérience qui est intéressante actuellement. C'est ce que fait Mouron et l'association qu'il faut. C'est de faire des universités populaires, c'est-à-dire de permettre qu'il y ait des gens qui accèdent à un savoir donné par des gens qui ont des niveaux universitaires et qui ne se contentent pas d'enseigner dans des facs ou de reproduire et tout ça et tout. Et ça, de trouver des lieux pour que ce savoir et puis cet échange puisse avoir lieu de discussion et tout, c'est quand même intéressant. Hein. C'est ce qu'avait essayé de faire Peloutier à travers les groupes du travail. Moi, je pense qu'il faut ouvrir des tas de lieux partout pour que, pas que ça soit, ce qui est intéressant dans cette association, c'est pas qu'un milieu militant qui vienne, c'est très très varié, c'est des gens, et tous ces gens, après un cours, on discute ensemble et tout, et on s'aperçoit que ça évolue vachement, il y a beaucoup d'échanges, et que ça donne envie à des gens de faire autre chose, à financer, à faire des trucs ensemble et tout. Voilà, ça par contre, oui, l'atomisation, oui, c'est vrai qu'actuellement nos sociétés veulent qu'on soit atomisé. C'est pas être individualiste, c'est être atomisé. C'est-à-dire que chacun il est dans son coin et que tu te démerdes, si tu suis bien le raisonnement de la société, tu t'en sors. Mais on peut très bien avoir collectivement, pas passer par cette logique-là. Quoi. Voilà. Donc il y a ça, et puis bon, en plus, la prof, là, on a eu deux cours, on a eu une cours d'une poutre, c'est une prof de philo qui a quitté la fac et qui enseigne dans ce genre d'université. Puis là, on a eu un cours sur la biologie fait par un biologiste, un chercheur de l'UNI. Il nous a donné un cours en 5-6 leçons, c'était fabuleux, je veux dire, d'avoir accès au savoir de ce qui se trouve autant dans les journaux, le génome, le ci, le ça et tout, et d'en arriver à comprendre ça et avoir les outils pour comprendre tout ça, moi je trouve ça extraordinaire. Moi je sais que ça m'a ressorti, renforcé. Beaucoup de gens assistent au cours. Garde bien. Et comment on se fait comment ils sont renseignés sur comment le. Ben c'est une association de 500 personnes, et puis les gens, ils viennent en fonction de ce qui leur plaît. Il y en a qui proposent des cours. Il y a une historienne qui a proposé un cours sur la commune de plusieurs. C'était très fort intéressant parce qu'elle s'est renseignée. Elle a fait un très très gros travail de compilation et tout. Elle a parlé de deux tas d'aspects qui jusque-là n'avaient pas été mis en avant dans la commune. C'est vraiment un fort enrichissement, quoi. C'est, puis qui donne envie de faire des trucs. Après, il est venu des gens, des musiciens qui ont dit, moi, je veux faire un cours de musicologie. Je pense que c'est ces dynamiques-là qu'il faut arriver à créer. Moi, le thème de refus de parvenir, je suis un peu comme Momo, je suis un peu. D'abord, il y a le mot refus, il y a le mot parvenir, il y a le mot. Je sais plutôt, à un moment donné, vous avez lié un mot qui me plaît beaucoup, c'est celui de l'émancipation. C'est-à-dire que ce qu'on fait, on le fait dans un but d'émancipation. Voilà, de s'émanciper. De s'émanciper du travail salarial, de s'émanciper d'une culture dominante de classe, de tout ça. Quoi. C'est les termes qui vous dérangent, les mots, parce que l'idée, au fond. Le refus de parvenir dans cette société-là, est-ce que tu as le choix de choisir dans cette société-là? Dans une moindre mesure. Je vous pose la question. Moi, oui, mais je sais que beaucoup de gens non, mais. Pourquoi toi aussi, beaucoup de gens non? Parce qu'il y en a qui n'ont pas le choix, quoi. Il y en a qui n'ont pas. Mais il y en a qui ne se posent pas la question. C'est ça, là, quand même, si on postule que personne n'a aucun choix, bah, autant arrêter tout de suite le militaire. Donc on est obligé de postuler qu'on a un espèce de choix, plus ou moins contraint, et qu'on essaie de faire avec la marge de manœuvre qu'on a. Je pense que ça, c'est un préalable un peu obligatoire. On peut choisir, moi, je ne dis pas personne n'a les choix. Voilà, on est d'accord, je pense là-dessus. Après, on va essayer d'élargir ces éventails de choix possibles, ou de donner à penser que n'importe qui peut faire ses choix, même si on sait que ce n'est pas forcément le cas avec elle. Des situations qui rendent beaucoup plus difficile de faire des choix radicaux, de faire des choix même d'une certaine marginalité. Tout le monde n'a pas la même possibilité de faire ses choix, c'est évident aussi. Ça ne veut pas dire que personne n'a le choix, ça veut dire que. Il faut. Ouais. Moi, je pense que l'idée du refus de parvenir, après que les mots soient. Je m'en fous. Par rapport, quand toi tu as parlé des objectifs, etc. Alors, si on reste purement sur le milieu professionnel. Mais ne serait-ce qu'une petite chose, comme toi avec tes notes ou comme moi avec autre chose, un inspecteur qui me demandait bon, alors quelle est votre ambition? Je l'ai regardé, je vais rester dans cette salle jusqu'à la retraite, si j'y arrive, avec mes minots. Voilà, bon, ben, peu importe, c'est pas. Aucun d'entre nous, on a des titres de gloire parce qu'on n'a pas noté, parce que lui, il n'a pas voulu diriger, parce que. Etc. C'est pas ça le truc, c'est que. Chacun d'entre nous, ça a été avec des collègues, etc. Et du coup, on en parle, et ça jette des petites graines, ça permet aux gens de réfléchir un tout petit peu. Et moi, je pense que ça participe d'une émancipation, pas plus ça qu'autre chose, tout est bon à prendre. Et tout est bon à prendre pour dire, je sais pas, là, c'est même pas du refus de parvenir, ça c'est encore autre chose, mais je parlais à mes collègues que j'allais faire un refus d'inspection. Mais il faut voir, ils me regardent, ils ont des grands yeux comme ça. On a le droit de refuser, ben ouais. Il n'y a rien que ça, c'est intéressant. C'est pas après, bien sûr, ça me regarde. Pareil, si je veux pas être inspectrice ou je sais pas quoi, et si je veux pas être inspectée non plus, ça me regarde et c'est un choix perso. Mais le simple fait d'être sur le lieu du travail et de pouvoir provoquer une discussion avec mes collègues sur ce sujet permet d'aller légèrement plus loin et de provoquer une réflexion, c'est tout, point. Après, chacun fait bien ce qu'il veut. Ou comme toi, quand tu dis je refuse tout le travail, ce qui est très intéressant aussi comme idée, tu es sûrement amené à en parler à des gens quand tu tiens ce genre. Mais non, mais on sait bien aussi. Mais je veux dire, du coup, certainement qu'il y a des gens à qui tu dis ça et que ça provoque une discussion où on te. Voilà, ça provoque discussion. Et du moment que ça provoque discussion, ça provoque réflexion. Et provoquer réflexion, c'est vachement important, justement parce que on est dans une société qui est comme ceci, comme cela, qui nous balance des idées toutes faites et qu'on devrait suivre les yeux fermés, et que dès que quelqu'un ne suit pas les yeux fermés, les autres autour se posent des questions. Rien de ça, c'est pas. Toi, tu as dit tout à l'heure, ton inspecteur, il t'a dit quoi? Vous n'avez aucune ambition? Vous n'avez pas d'ambition. Alors, moi, j'étais convoqué à la DRH, j'ai dit, mais je n'ai aucune ambition, je ne veux pas être. Vous voulez me faire, je ne sais pas quoi, un poste de responsabilité. Moi, j'ai dit, je n'ai aucune ambition, et il m'a répondu, ah, mais comment vous faites? Moi, j'aimerais bien être à votre place. ça montrait un peu le niveau, c'est qu'elle avait été formatée, que tu devais monter dans la hiérarchie, machin, etc. Et que cette idée de pas avoir, après j'ai des ambitions, oui, l'ambition c'est que le CIRA il marche bien, on s'est cassé le cul pour ça, on était collectif, mais après l'ambition c'est effectivement, je travaille dans un service public, c'est de m'occuper des gens, mais de monter dans la hiérarchie, franchement c'était un truc qui me dépassait complètement, quoi. Et l'autre, elle était en face. Ah, mais j'aimerais bien être à votre place. Ah bon, Oui, non, mais toute l'ambiguïté, elle vient de la division du mot réussir. Ouais. Je veux dire, tu veux pas réussir, ça veut pas dire que tu veux échouer. Ça veut dire que tu veux pouvoir te regarder dans la glace quand tu te lèves le matin et te dire ce que j'ai fait pendant la journée, je suis content de l'avoir fait. Ouais, d'où l'idée de refuser ce mot de vaincu, effectivement. Moi, je pense que c'est un faux débat. Le débat entre guillemets, c'est le parvenu. C'est pas refuser de parvenir, c'est le parvenu. Le parvenu, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une réussite extraordinaire. C'est les 1% qui détiennent 99% de la richesse. Et le parvenu, effectivement, c'est celui qui gagne énormément et qui contribue très peu aux charges collectives. Donc, effectivement, on se retrouve avec un problème. Celui qui réussit pas trop ou qui réussit un peu, il va avoir le problème, est-ce que je parviens? Donc je suis un peu plus correct et je prends un peu à celui qui est à côté de moi, qui a du mal à réussir un peu. Mais si on règle le problème de l'excès de réussite, de l'excès du parvenu aussi, tout ce parvenu qui fraude, qui évade tout ce qu'il gagne, qui met de côté dans un... Si on récupère la cassette de ce parvenu et qu'on la répartit entre tous ensemble, le problème qui se posera ensuite entre nous, c'est il y aura un revenu minimum qui sera associé à chacun, il y aura une contribution sociale généralisée qu'on peut mettre en place, une super sécurité sociale. Et le problème qu'on aura à décider chaque jour, c'est est-ce que je vais plus m'amuser aujourd'hui ou un peu plus vivre avec mes enfants ou manger plus, rester plus longtemps avec mes amis. On aura la ressource elle existe, mais aujourd'hui elle est appropriée, elle est cachée. À partir du moment où cette ressource-là revient dans le fond commun, moi je pense qu'on ne se posera plus la question de refuser de parvenir ou de refuser de réussir, puisque chacun aura tous les éléments entre les mains, il aura un revenu minimum qui lui permettra de vivre toute sa vie, qu'il aura un revenu universel, qu'il aura dès la naissance, et qui lui permettra de prendre son temps pour s'éduquer, pour se cultiver, pour partager avec les autres. Et je pense que cette question, elle ne se posera plus individuellement de refuser de parvenir, parce qu'aujourd'hui, dans le mot parvenir, il y a un excès, il y a prendre aux autres, finalement. C'est associé à prendre aux autres. Si ce qu'on prend aux autres, ça redevient le bien collectif, il y a 1% de gens qui ont 99% de la richesse du monde aujourd'hui. Et ces gens-là ont cette richesse-là, il la fraude, elle est je ne sais où, dans des paradis ou autres. Si on la récupère, moi je pense que la question individuelle ne se posera plus entre les gens. Il y avait une intervention. Non, c'est un peu dans ce sens-là. Quand je parlais d'individualisme, tout à l'heure, en fait, je ne voulais pas opposer l'individu au collectif. En fait, j'aurais peut-être plutôt parlé d'exploitation de l'homme par l'homme. Pour moi, c'est ça, refuser de parvenir, c'est refuser de profiter de ce système où un homme va exploiter l'autre et avoir une meilleure vie à cause de ça. Et du coup, ouais, effectivement, je suis tout à fait d'accord que le revenu universel, si ça voit le jour, enfin, sous une certaine forme, ça pourrait régler pas mal de problèmes. Il faut voir que l'humain, il y a une immense richesse et tout, mais il faut voir comment elle est produite, cette immense richesse aussi. C'est-à-dire, elle est produite par une immense exploitation au niveau mondial. Je veux dire, il ne faut pas se leurrer. Il y a beaucoup d'argent parce qu'il y a énormément d'exploitation. Si ici en France on a quelques acquis sociaux, il y a des tas de pays où il n'y a aucun acquis sociaux. Si ici en France ceux qui n'ont rien ont le RSA ou de la CAF ou des trucs comme ça. Mais c'est une infime minorité dans le monde. Le problème, il y a ça, bon, il y a déjà l'exploitation des gens, mais il y a l'extractivité de la terre, c'est-à-dire tout ce qu'on prend au niveau de la terre, tout ce qu'on extrait, tout ce que ce soit au niveau des minéraux, du pétrole, de tout ça et tout. On a l'impression qu'il y a une richesse, mais cette richesse, elle est totalement factice pour moi. Si pour moi, bien vivre, c'est se dire, ben, tout le monde va prendre un avion pour partir deux jours à l'autre bout du monde et tout ça et tout, moi je dis non, ça a un coût. Ça a un coût aussi bien humain qu'un coût écologique. Et donc, le problème de refus de parvenir, aussi la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est ralentissant? Est-ce qu'on est prêt à ralentir? Est-ce qu'on est prêt à ne plus avoir cette sacrée idéologie du progrès où il faut toujours accumuler, toujours aller de l'avant, toujours de ci, toujours de là? Est-ce qu'on est prêt à ralentir? Je sais pas, GB dans l'an 01, il avait bien montré. Est-ce qu'on est prêt à ralentir? Est-ce qu'on est prêt à faire le pas de côté à un moment donné et tout? Voilà, je pense qu'on n'est pas... Rina. Moi, je pense qu'il y a deux conceptions là qui sont en train de débat. Moi, je ne vois pas comme ça qu'il y a une ou très peu de personnes qui ont toute la richesse. Je pense qu'il y a surtout une grande majorité, une sorte de norme de société, comment ça fonctionne. Et toutes les personnes, ils sont contraints de rentrer dedans. Moi, je dirais, c'est un peu la croissance... La performance et aussi les conceptions de vie qui sont les normes, créer une famille, des choses comme ça. Pour ça il faut avoir des moyens, des rémunérations adaptées, des choses comme ça, et la pression. Donc ceux qui refusent de parvenir, pour moi c'est à ce moment là une forte minorité, c'est pas la majorité, c'est une minorité. C'est pour ça que je pense qu'il faut avoir une forte individualité pour résister à cette pression, à cette norme. Pour ça, je pense qu'il faut avoir vraiment un caractère de résister en tant qu'individu contre cette norme. Et là, je pense qu'avec ça, on se met... Tout d'abord, en dehors de société, et on ressent, moi je pense, par exemple, je suis souvent confronté avec le reproche d'être auto-exploité. Vous exploitez vous-même. Vous restez dans le bas salaire, vous restez un peu... Dans votre situation de précarité est volontaire. Et ça, il faut avoir une réponse à ce reproche-là. Et qu'est-ce qui est la réponse normalement? C'est l'attractivité de la collectivité qu'on met en même balance que les salaires. Si on compare seulement les salaires ou ce qu'on gagne pour la vie, on n'a pas de chance quand on veut se comparer avec les gens qui réussissent. C'est ce qui doit être attractif. C'est les autres choses qui ne sont pas dans une structure de rémunération et choses comme ça. C'est de vivre ensemble, de vraiment être attractif en tant que collectivité de vivre ensemble. Et là aussi, je pense que ça c'est une faiblesse, parce que je le vois très rarement, les collectivités qui ont une telle attraction, qui attirent vraiment dans la société comme ça. Et là, je pense qu'il y a toujours des déformations de la société qui est dominante, qui rentre dedans. Par exemple aussi, quand il y avait des nouveaux mouvements, là, comme le Milieu-Goût ou choses comme ça, ça n'a pas, même pas encore commencé. Il y a d'autres groupes qui disent « c'est que des bobos ». C'est tout de suite, ça n'a pas même pas encore commencé. Il y a tout de suite la volonté de faire des débats à l'intérieur, des clivages comme ça, et de mettre des contradictions. Avant de vraiment développer une attirance qui va dans le grand public. Et là, je trouve qu'il y a une manque d'attractivité des collectifs qui sont en train de refuser de parvenir. Oui, moi je pense que quand on dit le pourcent des riches, quand on va les supprimer, on résoudra le problème. Ce 1% des riches, il existe parce qu'il y a toute une pyramide de hiérarchie. Et que la société est construite pour que chaque fois, il y ait quelqu'un qui commande quelqu'un d'autre, qui commande quelqu'un d'autre, qui commande quelqu'un d'autre. Le refus de parvenir, c'est dès le départ, refuser d'être le petit chef. Parce que quand on est dans une usine ou dans une école, le directeur qui veut commander, qui veut s'imposer, qui veut être bien avec son inspecteur et qui va faire de la délation pour l'institut d'à côté, etc. Je veux dire, c'est à ce niveau-là que la valeur de réussite, elle commence à être mise en cause. Et toute la société est structurée comme ça. Quand un inspecteur, il débarque dans une école, la première chose qu'il fait, c'est d'abord de commencer à montrer que lui, c'est l'autorité. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de voir le directeur, le prenant à part, dire, vous êtes un petit bien, hein, dites-moi, la collègue, là, elle fait bien son boulot, etc. C'est cette petite hiérarchie, je veux dire, mais c'est elle qui est à mettre en cause. Évidemment, je suis contre le Bernard Arnault et compagnie, c'est évident. Mais contre cela, pour l'instant, je n'y peux pas grand-chose. Mais ce qu'on peut, c'est déjà, à notre niveau, se dire quel est le rapport d'autorité que j'accepte à l'intérieur du groupe dans lequel je suis. Et ça, ça me semble que le refus de réussir, il est là, il commence par là. C'est pour ça que ça nous concerne tous. Abattre Bernard Arnault, ça nous concerne, oui, mais tellement loin que, ma foi, ça me renvoie à l'impèbre. Hein, voilà. Non, mais par rapport aux interventions, là, il y a quand même, enfin, il y a une notion qui m'est venue, c'est la question aussi de la temporalité et du temps. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, refuser de parvenir, c'est peut-être parce que, justement, sur les mouvements, c'est-à-dire les mouvements ne se construisent pas, ils n'ont plus le temps de se construire, c'est-à-dire que les cadres de pensée ont été complètement formatés par, et c'est ce que je disais, l'histoire de l'objectif, c'est-à-dire que c'est penser le futur, et penser le futur qui doit advenir tout le temps, c'est-à-dire qui doit, en fait, dans le futur, doit se produire quelque chose qui est attendu, et du coup, ça formate des cadrages de temporels, c'est-à-dire, et, du coup, ça obstrue presque l'avenir, c'est-à-dire que c'est... Potentiellement, on peut se rencontrer, on peut construire, puis on peut ne rien attendre, on peut se rencontrer. Déjà, le fait ne serait-ce que d'être ensemble, le plaisir, de pouvoir partager, le plaisir. pour le plaisir d'être ensemble, ne serait-ce que ça. Et donc, après, évidemment, il y aura des organisations peut-être, et peut-être il se passera quelque chose, mais c'est l'idée, en fait, que la temporalité, elle doit être toujours dans l'ici, maintenant, ça doit se faire tout de suite, très vite. Et ça, je pense que c'est quand même le capitalisme a créé des cadres de pensée, le temps, hein, qui en fait nous oblige à nous projeter, à être dans une ascension, il faut penser le futur, il faut devenir quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut absolument devenir quelque chose. Et puis toute cette idéologie du changement, il faut changer, il faut tout le temps changer, il faudrait toujours se penser en changement. Alors évidemment, on change tout le temps, de toute façon, chaque jour n'est jamais le même jour, mais en même temps, cette injonction, quoi. C'est-à-dire cette injonction à devoir toujours penser le futur, dans ce qui... Et moi, je trouve peut-être intéressant, mais après, il faut creuser, moi, je ne connaissais pas cette expression, pas ce terme, mais je me dis qu'elle peut peut-être venir aussi apporter des éléments pour penser ces questions-là. hein, ces cadres, ces cadres de pensée, notamment temporels. Ouais, dans ce cas, donc, pour l'anniversaire des 50 ans de l'engagement de quelqu'un dans un lieu comme ça, sans quête de succès. Donc, moi, je pense que c'est clair qu'il y a un lien avec, avec l'engagement dans la durée, quoi, avec la capacité à le faire indépendamment du fait que ça produit des résultats immédiats ou non. C'est pas par rapport aux résultats qu'on se détermine, c'est par rapport aux valeurs sur lesquelles on se fonde, je pense. C'est peut-être ça. Et ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense, sur le fait de continuer à exister par rapport à soi, c'est-à-dire par rapport à ce que je tiens. Avec les autres. Désolée, je vais m'éclipser, c'est très intéressant. Merci d'être là. Merci. Salut. Non, mais après, je veux dire, vous êtes quand même dans un pays où on vous fait voter toutes les choses. Il semble que s'il y a un chemin à faire, on met toute la population là à voter si le chemin il est nécessaire ou pas nécessaire. Et on vote, non, c'est pas ça qu'ils sont en Suisse. Oui. Oui. Eh bien, je voudrais avoir votre opinion, puisque vous connaissez aussi la fonction des autres pays. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez de votre propre système en Suisse, quoi? Ce système-là, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Comme par exemple, je crois que c'est en Suisse que vous avez dit, mais c'est la France qui nous empoisonne, et ils ont une centrale nucléaire, etc. Alors, les Français, ils sont pour le nucléaire, ils ne veulent pas en déloger, quoi. Et les Suisses, là, ils ne peuvent pas monter de dire, mais bon, on ne ferme pas cette usine, cette centrale nucléaire. Enfin, j'aimerais avoir votre avis sur votre système suisse. Voilà. Si ça avait permis de réaliser le socialisme libertaire, on le saurait, on y serait déjà. Quoi. Si ça avait permis d'arriver à nos objectifs globaux d'émancipation, on le saurait. Oui. Ça change rien de fondamental. Ils ne sont pas plus émancipés pour ça. Je pense pas, je pense qu'il y a à peu près les mêmes. Peut-être qu'il y a un taux d'abstention qui est même plus bas qu'en France, parce qu'en France on vote moins souvent, donc on trouve que c'est plus important, alors qu'en Suisse c'est tellement banal et qu'on voit que ça a assez peu d'effet sur les décisions qui sont générées. C'est trop habitué, quoi, finalement, à ça. Et... Bah, puis les questions qu'on nous pose ne sont pas des questions qui sont délibérées collectivement à partir d'une échelle où c'est possible de réfléchir, en fait. On nous propose de voter pour interdire les minarets, parce qu'on est contre les musulmans en Suisse, oui. Et il y en a un peut-être ou deux dans tout le pays, donc c'est un sujet qui n'existe pas, qui pose problème à personne, mais d'un coup on vote là-dessus, alors que quand il s'agit de renflouer les banques qui ont tout perdu dans le crash de 2008 et qu'on leur file 600 milliards, ça c'est jamais soumis au vote. C'est le Parlement qui a décidé de verser, je crois que c'est vraiment, c'est des chiffres qui sont trop grands pour que je m'en rappelle, mais c'est 60 milliards ou 600 milliards pour renflouer les banques. À ce niveau-là Mais là-dessus, on n'a jamais voté. Pour donner un exemple de quelque chose qui est massif. Non, ils ont fait des votations, un référendum pour savoir s'il fallait interdire les minarets dans les... Oui. Et ça donnait quoi, le résultat? Ah ben, ça les a interdits. Mais en gros, il y en a deux en Suisse, puis il n'y avait aucun projet de construction. Donc ça a servi à n'interdire rien. C'est juste un espèce d'agitation politique. Non, le problème des votes, c'est que ça dépend ce que ça veut dire de voter. Si on vote sur quelque chose que quelqu'un te propose, oui. Tu ne l'as pas discuté. Oui. C'est le quelqu'un qui te demande ton avis. Ah. Or, dans une vie collective, ce qui est important, c'est peut-être davantage ce que toi tu penses et ce que toi tu aurais envie de faire. Voilà. C'est-à-dire, c'est presque le contraire du vote. C'est d'abord un débat, débat, et une... alors ils ne font pas de débat là-bas. Bon, c'est des débats truqués, je veux dire, si tu fais un débat en France sur être vous pour ou contre la peine de mort, je veux dire, c'est un débat qui débouche sur quoi? Tu as une vision, peut-être que les médias t'ont dit qu'ils votaient souvent, donc ils ont demandé leur avis. Mais la situation, je crois, est très peu différente avec la nôtre. L'État ne demande jamais notre avis, sauf quand il est sûr de la réponse. Alors, ils sont façon quand il revient par terre. Oui, de façon, quand par hasard. Il faut ce que le vote a fait. Ça, on a un exemple. Il y a oui, c'est le traité de Maastricht. Tout le monde est contre, mais c'est pas grave. On fait le contraire de ce qu'on fait. Si j'avais un exemple à la maison, il y avait une votation populaire pour savoir si on devait adopter l'heure d'hiver et l'heure d'été. Ah, ouais. Ça avait été refusé en votation populaire, mais ça avait quand même été introduit quelques années après. Ouais. Pour dire qu'il y avait sur les sujets plus anodins. Par contre, j'avais une question, c'est vous avez présenté plusieurs endroits en France, celui à Paris. Non, c'était pour voir les réactions, justement, par exemple, en Suisse, quand en fait vous présentez ce travail, alors peut-être que vous restez avec des groupes aussi, enfin, mais voir est-ce qu'il y a des réactions, par exemple, des réactions différentes, hein, c'est-à-dire justement les remarques et tout ça, qu'est-ce que les gens disent Ils disent moins de choses, en tout cas. Qui oui, il y a moins de choses. Non, en Suisse, ouais. Parce que c'est pas moi. C'est moins intéressant. Ils sont un peu d'accord entre eux. Non, il y a moins de participation. Pour les causer, pour les titiller. Ils sont pas là, t'es le coup. Ça, c'est pas qu'il dit. Alors, il n'y aura pas de révolution en Suisse. Bien sûr que, mais pourquoi il n'y en aurait pas plus en Suisse? En même temps que chez vous, en passant demain, je crois. Voilà. Mais l'idéalisation du système. Ouais, c'est bien. Non, c'est pas ça, ça revient souvent. Ah ouais. Ils s'en foutent d'être suisse complètement. Ils auraient pu être belges ou québécois ou chinois. C'est le hasard de leur naissance ou des parents qui les ont écrits. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Il y a beaucoup de possibilités en Suisse. C'est possible de faire beaucoup de choses. Beaucoup de gens qui se bougent, beaucoup de lieux. Il y a beaucoup d'argent qui traîne. Donc ça veut dire qu'ils ont aussi récupéré ça d'une manière ou d'une autre. Ah oui, traîne vraiment comme ça. Non, c'est pas normal, mais c'est-à-dire... Disons qu'il y a des gens peut-être qui ont une sensibilité qui sont prêts à aider à financer des projets, c'est ça? Voilà. J'ai l'impression que le mouvement, enfin moi j'ai été à Rosa plusieurs fois, j'avais été impressionné quand même par le nombre de squats qu'il y avait dans une ville comme Lausanne. Et à l'époque, c'était il y a longtemps, je ne sais pas si vous l'avez connu, mais c'était un dépôt de bus, donc c'était un immeuble complètement dingue. Et puis après, on m'a dit de dormir, on a été dans un appart que d'autres copains avaient squatté. Et effectivement, le fait, enfin après, c'est la spéculation immobilière, le partout, les lieux, mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup. Oui. Ouais. Une majorité de gauche. Il laisse peut-être plus tolérant. Mais ils veulent régulariser d'une certaine manière aussi. Ils veulent avoir une emprise. Alors ça, on a vu ça. C'est l'anecdote à Dijon la semaine dernière. C'était assez impressionnant. Donc c'est l'espace autogéré des tanneries qui existe depuis les années 80. Donc c'est des copains et des copines qui sont investis dans ce lieu, qui ont montré ce qu'ils étaient capables de faire, organisation de concerts. Lieux alternatifs en tout genre, et puis bon, la mairie, ils se sont battus pour le garder, celui qu'ils avaient squatté à l'origine. Et puis au bout d'un moment, il y a eu un projet de quartier éco-citoyen, etc. Et donc ils étaient menacés d'expulsion, mais ils ont obtenu un tel rapport de force que, vous inquiétez pas, on vous donne un nouveau local, mais ils l'auront construit un local. Mais construit. C'est tout neuf, un lieu insensé de 50 plusieurs milliers de mètres carrés. Donc là, il y a quand même Et donc là, quand tu dis qu'il faut acheter la paix sociale, effectivement, ces punks, alors on les a un peu reculés du centre-ville. Ils étaient à 1 km du centre, maintenant c'est à 3 km. Mais en fait, il y a des tramways en 10 minutes, on est au centre-ville, hein, c'est pas très loin. Mais et ils ont un bail de 15 ans avec la mairie, mais c'est un truc assez... Enfin, comme quoi, oui, effectivement, certaines mairies de gauche, il y a des espaces à prendre. Et là, c'est Rebsamen, alors je sais pas s'il avait des sensibilités... Des sympathies de jeunesse pour ces mouvements-là. Mais quand on est arrivé là-bas, nous, avec notre petit local, qu'on a acheté une fortune et tout, qu'il a fallu économiser pendant 15 ans, et que là, voilà. Après, eux, c'est des luttes, hein, derrière, qu'il y a. Nous, c'est demander à tous les copains qui mettent un peu de sous, qui boivent du vin, etc. Mais c'est assez étonnant, quoi. Qu'est-ce que tu voulais dire? L'État s'est adapté. Moi, on est allé à Berlin dans les années 80, il n'y avait jamais, j'avais jamais vu autant de trucs alternatifs. Pourquoi? Parce que l'État allemand donnait de l'argent à tous ceux qui allaient s'installer dans Berlin pour monter des journaux, des cirques, des imprimeries, des salles de concert et tout, pour la bonne raison que Berlin était encerclé complètement, se dépeuplait. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Tous les jeunes, comme déjà ceux qui ne voulaient pas aller à l'armée, voulaient être dans Berlin, étaient exemptés d'armée, et en plus, l'argent coulait à flou. Et ça, de toute façon, cette histoire de Dijon, c'est qu'à un moment donné, ils institutionnalisent la chose. Je ne suis pas d'accord avec toi, Tony, quand tu dis tout à l'heure, tu disais c'est la société qui veut la hiérarchie et tout. Non, c'est l'État et ses institutions. La société et l'État, c'est différent. La société, l'État et ses institutions, pour moi, c'est totalement différent. C'est-à-dire que la société, c'est nous. L'État et ses institutions, c'est une bureaucratie qui, soi-disant, nous représente. C'est, pour moi, c'est différent. Donc, j'accuse pas la société d'imposer à tout ça et tout. Par contre, une institution, oui, une institution, on voit bien, elle est verticale, elle n'est pas du tout horizontale. Il n'y a aucune... même dans la culture, tu pourrais te dire s'il pourrait y avoir un peu d'horizontalité, il n'y a pas du tout, tout est vertical. Ça, c'est on peut le constater... de partout. Donc, société, c'est nous, État et institution, c'est nos représentations politiques qu'on critique. Et... c'est pas aussi simple. Il y a des consciences un peu imprégnées par de l'État. Ouais. Il y a une pensée managériale qui est très répandue. Ça, c'est pas seulement l'institution, ça demande des institutions. Le petit chef qui emmerde l'ouvrier qui est sous son ordre, c'est pas l'État qui lui donne l'ordre, hein. Mais ça, c'est de la perversion, ça. C'est tout ce que tu veux, mais en tout cas, c'est pas l'État. C'est pas l'État qui donne l'ordre au petit chef d'être un petit chef, hein. Ben, tu sais, quand à l'école, on t'apprend déjà à l'école à être... qu'il y a un classement et qu'on t'apprend à être au-dessus de l'autre, et si tu es au-dessus de l'autre... tu es meilleur que l'autre, c'est comme ça que la domination commence. Oui. Jeudi, il y a même matin. Macno, jeudi. Au revoir, merci. On continue la discussion autour d'un verre. Vous voulez. Les conclusions, il n'y en a jamais dans ces œuvres. J'ai pas le verre, tu peux m'appeler. Merci aux copains de Lausanne d'être venus nous voir. Merci de votre participation et on va continuer avec vous face à la côté de la discussion. Oui.